disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 37. Je procède tout de suite au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter, si vous le souhaitez, sur notre adresse email, notre nouvelle adresse email, dempart@ctemplar.com. Je répète, dempart@ctemplar.com. L'avantage de ctemplar, c'est que ce fournisseur de service email se situe en Islande, qui est le pays le plus protecteur au niveau des données personnelles d'Europe. Une législation assez solide, hein, et beaucoup plus solide qu'en Suisse, ce qui explique pourquoi on a abandonné ProtonMail au profit de ce service-là. Vous pouvez éventuellement suivre notre exemple si vous le souhaitez, et donc demander à ctemplar pour vous inscrire un code d'invitation. Tapez sur Google « code invite ctemplar » et vous aurez l'adresse email pour demander votre code. N'hésitez pas à le faire, ça vaut le coup. Là, il y a une offre de base gratuite, donc vous pouvez tester si ça vous intéresse. Je précise bien sûr que ce n'est pas en vous encourageant à vous inscrire que nous touchons des royalties, évidemment. C'est uniquement un conseil technique, purement et simplement. Vous pouvez aussi rejoindre notre forum pour commenter les articles, les émissions, l'actualité en général. C'est à l'adresse suivante, eelb.su, Europe Écologie Les Bruns. Il y a une communauté là qui est active, bien sûr. Guide racial des villes s'y trouve. Vous avez également des conseils informatiques, des conseils crypto, conseils informatiques, etc. Il y a vraiment de quoi faire. C'est toujours sympa de pouvoir discuter très librement là-bas. C'est tout à fait certain. Je voulais aussi préciser que nous avons changé de nom de domaine. Hein. Bon, c'est un rituel maintenant. Hein. Voilà, on change de nom de domaine très régulièrement. Sur demande express des Juifs, hein, bon, vous le savez, voilà, mais bon. C'est notre réalité. Le nouveau nom de domaine est le suivant, démocratie-participative.wtf. WTF, vous aurez, je pense, compris l'analogie, pas besoin de m'étendre là-dessus, démocratie-participative.wtf. WTF. Donc n'hésitez pas à le faire connaître à vos connaissances qui auraient peut-être perdu le nom de domaine, puisqu'il y a des gens qui ne sont toujours pas sur VPN, quelle mauvaise idée. Ça vous permettrait pourtant de ne pas subir en fait les conséquences de la censure. Donc il y a encore beaucoup de gens, pas trop quand même chez nos lecteurs, mais il y a quand même encore une partie du lectorat qui est impacté par ce genre de choses. Mais on a quand même fait un gros travail de pédagogie ces dernières années, et clairement ça a payé. C'est tout à fait clair. Alors, avant de remercier les donateurs, je vais présenter les membres de la semaine. On est en équipe réduite. Je vais commencer avec Vitman, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Vamos a la playa, Vitman. Comment ça se passe? Salut Gandalf, et bonjour à tous nos auditeurs. Et oui, je suis sous le soleil, et ça fait très plaisir. Ah, ça y est, c'est bon, la conversion à l'islam est dans le frigo, c'est parti. Exactement. Voilà, d'accord. Est aussi avec nous cette semaine Hopman America, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pendant une partie de l'émission, parce qu'il a un planning chargé. J'espère qu'il va bien, Captain. Oui, Captain va bien, j'espère que les auditeurs vont bien. Et après une petite retraite spirituelle, je suis de nouveau parmi vous, sous le dur soleil de l'éther nègre. En avant Guingamp. En avant Guingamp, bien sûr. Est aussi avec nous cette semaine Fulbert, qui vient juste de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien, Fulbert. Fulbert va bien, merci Gandalf, et bonjour à toi et bonjour à tous. Et à Hitler, on peut le dire. Hein. Et à Hitler, naturellement. Est aussi avec nous cette semaine Alex, Alexis, la voix de la modération, le centriste de l'émission qui, avec sa sagesse, balance un petit peu les propos souvent excessifs des autres participants. Comment vas-tu, cher Alex? Bah, ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde et votez François Bayrou. Alors. Bayrou qui va voter Macron, donc voilà, je pense que tu vas voter Macron. Non, je plaisante bien évidemment. Alors avant d'enchaîner avec l'émission proprement parlée, je vais remercier les donateurs qui nous soutiennent. Hein, chaque mois, chaque semaine, c'est selon. Beaucoup de donateurs anonymes, bien sûr, mais certains aussi qui se manifestent. Donc comme vous le savez, vous pouvez nous soutenir par Monero, adoption donc de cette crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des transactions. C'est très important pour échapper à la répression. Si vous êtes militant, intéressez-vous à cette crypto-monnaie. Elle vous aidera dans le futur à n'en pas douter. C'est aussi vrai pour les acteurs économiques. Hein. Si vous avez une activité, peut-être dans l'artisanat ou autre, si vous voyez des jeunes, n'hésitez pas à leur demander de vous payer en Monero. Alors, au départ, c'est un petit peu nouveau, mais je pense que vous ne le regrettez pas si vous le faisiez. Voilà, le conseil est lancé. Donc merci à tous nos donateurs anonymes qui ne se manifestent pas. Et maintenant, je remercie ceux qui se manifestent par courrier. Premier don, c'est McLean qui nous écrit. Vous avez déjà soutenu hein, McLean, hein, c'est un donateur du site. Bonjour camarade, je viens de faire un don de 3 Monero. C'est un don quand même substantiel. Merci infiniment pour votre travail. Bon courage. Merci à toi, McLean. Ça, bah, ça nous fait plaisir de voir que ce que l'on fait te paraisse utile et nécessaire. Don numéro 2, le roi des renards, c'est un jeune en fait. Bonjour à toute l'équipe, je vous ai envoyé un petit don de 007 Monero, vous me confirmerez si vous l'avez reçu. Salutations, je jure honneur et fidélité à Maras, bien aimé. En avant Dijon et en avant les goïmes, le roi des renards. Oui, en avant les goïmes de Dijon. Hein, la grande cabale goy, c'est certain. Don numéro 3, le dernier don de la semaine, en tout cas pour ceux qui nous ont envoyé un message, c'est Général Antonescu, hein, qui nous fait un petit don de 0, enfin un petit don, non, don tout à fait, tout sauf petit d'ailleurs, 0,4 Monero. Merci au Général pour son don, c'est un donateur régulier. Alors, juste une petite requête pour ceux qui nous écoutent et qui nous envoient des témoignages. S'il vous plaît, copiez-collez vos témoignages dans le corps de l'email. N'envoyez pas de pièces jointes. D'accord ? Nous n'acceptons pas de pièces jointes. Donc, quand vous avez un témoignage, collez-le dans le corps du message de votre email pour que nous puissions le lire. Voilà. Donc, merci à tous nos donateurs, encore une fois. Alors, sans transition aucune, on attaque cette émission. Rubrique numéro 1, autisme radical. J'ai un truc qui va vous plaire, j'en suis convaincu. On est clairement là face à l'éternel nègre. Vous allez voir pourquoi. Non, j'ai adoré cette histoire. Alors, d'abord, la source. C'est le Figaro. D'accord. Alors, une paroissienne qui avait accusé un prêtre de tentative de viol a été condamnée mercredi 6 octobre à 3 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse, a appris l'AFP auprès des avocats du parquet. Des avocats et du parquet, pardonnez-moi. Le tribunal judiciaire de Senlis dans l'Oise a également condamné la sexagénaire à verser au prêtre un quadragénaire de nationalité ivoirienne. 700 euros au titre du préjudice moral, près de 350 euros pour le préjudice matériel et 900 euros pour les frais de justice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, nous allons avoir la réponse tout de suite. L'avocat du prêtre, maître Mathieu Marlot, a salué une décision qui le rétablit dans son honneur, même s'il a déploré les faibles montants alloués. Quand vous calomniez, il en reste toujours quelque chose, a-t-il déploré, soulignant le préjudice professionnel et d'image subi par son client, qui a été déplacé de sa paroisse dans le cadre d'une enquête canonique et n'y est pas revenu. Donc, il n'est pas retourné dans sa paroisse à cause de cette affaire. Ma cliente ne fera pas appel de cette décision qui l'a meurtrie et qui est assimilée à un désaveu judiciaire et canonique de sa parole, dont elle entend réaffirmer la véracité, a réagi l'avocat de la paroissienne, maître Maxime Gallier. Persuadée d'avoir vécu des faits de nature sexuelle, elle a l'espoir que l'Église saura à l'avenir être plus vigilante dans le recueil de la parole des victimes d'infractions sexuelles, a-t-il ajouté. Alors, donc voilà, on vient en fait. Cette femme mariée de 67 ans avait porté plainte en juillet 2019 pour tentative de viol contre le prêtre de la paroisse de Pont-Sainte-Maxence. Mais sa plainte avait été classée sans suite par le parquet de Senlis. Les enquêteurs avaient découvert dans le téléphone du prêtre des messages d'amour et des photos dénudées de la plaignante. Messages que la prévenue a nié avoir envoyés, tandis que le prêtre a assuré en garde à vue lui avoir dit qu'une relation entre eux n'était pas possible en raison de son statut de prêtre. Je suis un homme de contact comme tout bon Africain, a-t-il également expliqué, interrogé sur des gestes d'enlacement ou de main passés dans le dos, décrits par d'autres femmes. On ne poursuit et ne condamne pas pour dénonciation calomnieuse, loin s'en faut. Toutes les personnes qui se disent victimes de viol ou d'agression sexuelle et dont la plainte aboutit à un classement sans suite. Il faut pouvoir prouver que la personne savait qu'elle mentait au moment où elle a dénoncé les faits, a souligné mercredi le procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier. Voilà, alors donc c'est l'histoire d'une femme blanche, sexagénaire, donc une boumeuse, hein, d'une paroisse fréquentant l'église et qui envoyait des nudes, hein, des nudes aux prêtres ivoiriens. 60 ans, je ne sais pas à quoi ressemblaient les photos, mais bon, c'était envoyé aux prêtres ivoiriens qui a visiblement montré assez peu d'enthousiasme, hein, face à cette prétendante très, très pressante. Et donc, pour se venger, hein, cette femme, probablement blanche, hein, a été déposée plainte en l'accusant de viol. Hein, donc, c'est intéressant quand même. Alors là, je pense que psychologiquement, il y a des choses à dire. Il y a même pas mal de choses à dire. Qui voudrait commencer là-dessus là ? Oh bah, tant que j'y suis, je vais commencer. Moi, je pense que cette affaire révèle beaucoup de problèmes, en fait. Alors déjà, les notions de sexualité, de vie publique, privée, la facilité que la technologie donne aux gens de faire n'importe quoi de leur corps, de leur cul, etc. Parce que en 1800, vieille de 60 ans, mariée, qui se fait chier au plumard, ou pas d'ailleurs, elle n'aurait pas eu les moyens d'envoyer ce genre de choses à son prêtre, et elle se serait certainement fait gauler si elle avait fait des avances directement au prêtre à la sortie de la messe. Ensuite, bon, je connais pas le prêtre, mais j'imagine que s'il n'a pas cédé aux avances, c'est que la vieille de 60 ans, ça devait pas être une vieille en mode sport, salsa et compagnie, avec un cul de gonzesse de 25 ans, et qu'elle devait pas être terrible. Je suis persuadé que si l'autre avait été plus jeune, un peu plus jolie, les avances auraient été acceptées. Après, moi, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est que cette vieille conne, là, qui voulait se faire bourriquer le fion par son négro qui lui parlait de la vie du juif Jésus, hein, eh ben, elle va pas être inquiétée plus que ça. Parce que bon, 3 mois, c'est pas terrible. Alors, c'est pas pour défendre l'honneur du négro, je m'en bats les couilles, mais c'est pour défendre, en fait, la position des hommes dans nos sociétés, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que on a eu plusieurs exemples, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou en Europe, de femmes qui avaient pertinemment menti à propos de viols qu'elles avaient subis, soit parce qu'elles regrettaient d'avoir couché avec un garçon, soit parce que c'était des femmes à problème qui avaient besoin de s'inventer une vie, en fait. Et à chaque fois, disons que les dégâts sur la vie des hommes incriminés sont faits, sont irréversibles, parce que calomnier comme d'habitude, hein, sans aucun problème. Donc, la loi française qui dit que pour pouvoir condamner, il faut prouver que la personne savait sciemment qu'elle mentait, pour moi, c'est vraiment du flan. C'est-à-dire que ça devrait pas être possible. Ça veut dire, t'as menti ? Oui, bah t'as menti. T'es pas trisomique. Tu sais ce que ça veut dire quand on ment. Donc tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que t'as fait. Bah donc tu vas prendre cher. Je serais assez d'avis, en fait, d'avoir des lois en France, hein, dans une France, bien sûr, national-socialiste, dans lesquelles il y aurait moins de problèmes, mais pour le peu de problèmes qui pourraient être occasionnés, de dire tout simplement, voilà, tu as menti. Tu as ruiné la réputation d'un individu, tu as ruiné sa vie parce qu'il a il a perdu ses amis, sa famille, sa femme, va savoir, l'argent, bon bref, son travail. Et bien tout simplement, si on prouve que tu as menti, et bien c'est toi qui vas subir la peine que lui aurait dû subir s'il avait été coupable. En gros, c'est tout simplement dire aux escrocs, aux menteurs et autres, ah ouais, t'es un fils de pute. Bah ok, bah, on va te traiter comme tel, et tu vas voir ce que ça fait que d'être du mauvais côté de la barrière. Voilà. Intéressant concept de peine, mériterait d'être étudié très sérieusement, à mon avis, effectivement. Alors, On est à un carrefour très intéressant dans cette histoire. Et souvent, c'est ça que j'aime bien avec ce genre d'anecdote, c'est qu'on est à un carrefour, à un moment T de l'évolution de cette société, et on peut éplucher ça comme un chou. Vous voyez, et plus on creuse, plus on trouve d'éléments. Évidemment, premier niveau de lecture, la dimension raciale. Qu'est-ce qu'on voit à la faveur de cette histoire? C'est qu'effectivement, l'Église catholique est une organisation aujourd'hui remplaciste. Et j'ajouterais remplacée. Donc le clergé catholique, qui jadis quoi, était un clergé français, de souche, autochtone, avec dans la littérature ou même dans les films d'antan, était représenté par le curé de campagne, hein, vous savez, en soutane noire avec son col romain. A été remplacé donc par des curés d'Afrique. Hein. Ça se systématise absolument. On le voit dans toutes les paroisses, même des paroisses rurales. Donc ça c'est déjà ça nous dit déjà quelque chose sur le moment, l'époque. Ensuite l'élément déclencheur qui est cette femme qui va créer le problème en fait. Et donc c'est une femme de 60 ans, c'est une boumeuse, et elle fréquente l'église, hein, donc c'est une chrétienne pratiquante par voie de conséquence. Et ce qui est censé, hein, la chrétienne pratiquante est censée être, en gros, une personne inspirée de l'exemple de Marie, hein, de la mère du Christ, donc un exemple de pureté, de chasteté, d'humilité. Et c'est un reste de cette antique société française, catholique, où voilà, l'archétype féminin qui était présenté en exemple à toutes les femmes était bah, justement une femme mariée allant à l'église, bon, voilà, qui a une pratique religieuse et qui observe la morale chrétienne, évidemment. Et il y a une espèce de décalage dans le temps, puisque cette femme-là est une sexagénaire, mais qui a visiblement des velléités de vie sexuelle d'une vingtenaire urbaine, en fait. Hein. Et là, il y a un télescopage entre deux Frances. Une France qui a grosso modo disparu, donc la France catholique d'antan, et la France actuelle, où effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est smartphone, c'est nude, comment dire, c'est Tinder, c'est porno, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et donc on est sur cette tension-là. C'est très révélateur. Alors ensuite, quand elle se fait gauler, parce qu'en fait elle se fait gauler un peu accessoirement, parce que c'est à la faveur de l'enquête de police que les flics vont découvrir fortuitement des photos suggestives de la fameuse plaignante. Mais au départ, elle a porté plainte sans qu'il ne se soit passé rien de connu, je veux dire, des autorités. Donc c'est elle qui prend l'initiative de la plainte. Donc il s'est passé quelque chose avant qui l'a motivé à porter plainte. Bon, on devine ce que c'est, en fait. Hein. C'est qu'ses avances n'ont pas été suivies des faits, le curé africain étant probablement trop occupé avec des paroissiennes plus jeunes, et donc n'ayant pas souhaité donner suite. Alors, bon, cette femme est conduite, a été blessée, hein, dans son orgueil, et frustrée sexuellement aussi, de ne pas avoir pu se faire bourriquer par un cafre. Et donc, elle a monté cette histoire de viol. Et comme tu l'as très bien dit, c'est toute l'histoire du mouvement, du fameux mouvement MeToo, dont les médias féministes, hein, enfin, je veux dire, médias féministes aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, je veux dire, les médias sont féministes par défaut aujourd'hui en France, hein, et en Occident d'une manière générale. C'est ce grand mouvement qui consiste en fait, pour toutes les traînées, d'accuser n'importe qui, n'importe quel random, qu'elle n'aime pas, pour X raisons, de viol. La suspicion se plaçant sur le type, et les mecs étant a priori suspects de viol, même pas suspects, pratiquement coupables. Et elle a voulu faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle l'a fait. Bah, au départ, c'est parce qu'elle veut se venger d'un homme qui lui dit non. Donc en fait, c'est une femme hypergame qui se fait rembarrer parce qu'elle est trop vieille, très clairement. Et pour se venger, elle monte une histoire de viol avec une assurance assez stupéfiante, je veux dire. Jadis, et je parle de ça il y a peut-être 20 ou 30 ans, une femme faisait attention avec ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on n'allait pas comme ça aussi facilement porter plainte pour viol, et certainement pas quand il n'y avait pas de viol. Et là, vous voyez avec quelle facilité cette rombière de paroisse se précipite au commissariat pour accuser ce type de viol. Et ça, il faut bien évidemment le mettre au crédit de la presse. C'est qu'il y a eu un encouragement de la presse à mener cette guerre judiciaire aux hommes au nom d'accusations complètement délirantes de viol, d'accord ? Et au détriment aussi des femmes qui, parfois, sont vraiment violées, pour le coup. Hein. Parce que, évidemment, ça retombe sur les autres femmes quand ce genre d'accusations délirantes sont formulées et que le flanc retombe parce qu'on a la démonstration que c'est faux. Les vraies plaignantes risquent de ne pas être crues, voilà. Bon, alors, je dis pas que toutes les femmes qui s'en plaignent ont vraiment été violées, la preuve, mais il y en a, et c'est sûr que c'est dommageable pour elles. Mais ça, les femmes s'en foutent, paradoxalement. Hein. Donc, et là, le deuxième effet qui se coule, c'est quand l'affaire s'évance. Les enquêteurs découvrent, en fait, le poteau rose, ils découvrent qu'elle est en train de lui faire du rentre-dedans comme pas permis, en train de l'allumer, voilà. Et là, c'est son image, au sein de son image dans sa bulle sociale, qui est remise en cause. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une traînée. C'est une traînée qui allume à plus de 60 ans donc des prêtres. Alors quand on se dit une femme chrétienne, évidemment, c'est catastrophique. Et là, le mécanisme de défense, c'est d'en remettre une couche dans les accusations de viol. Et là, ce qu'elle fait, et ça c'est absolument sidérant, c'est qu'elle prend à partie l'Église catholique en disant, voilà, la prochaine fois, pour le futur, vous devrez être beaucoup plus rigoureux pour la défense des femmes qui sont agressées sexuellement. C'est-à-dire qu'elle se met à donner des leçons de morale à l'institution à laquelle elle appartient, alors qu'elle s'est comportée comme une espèce de catin achevé, quoi. Donc c'est assez intéressant le cheminement psychologique qu'a suivi cette garce. Voilà. Et en fait, le dernier truc sur lequel je veux revenir, après je donne la parole aux autres, c'est à quel point, et d'ailleurs l'avocat de ce prêtre nègre a raison de le pointer du doigt, c'est à quel point les dédommagements qu'a reçus le prêtre sont dérisoires au regard de ce qu'il aurait encouru si elle avait réussi à mitonner suffisamment efficacement. Parce que alors il était noir, donc peut-être que la magistrature aurait fait preuve aurait été plus compréhensive, mais regardez ce qu'il en coûte à quelqu'un qui se fait accuser de viol et qui n'a pas de preuve définitive pour se disculper. Voilà, quand c'est uniquement la parole de l'un contre la parole de l'autre, comment c'est difficile de s'extraire de ce genre d'histoire. Je veux dire, les dommages en termes d'image, etc., sont considérables. Je veux dire, et c'est ahurissant de voir que alors qu'elle est prise en flagrant délit de mensonge, mais non seulement de mensonge, mais en plus qu'elle a pris, l'initiative de l'allumer, que finalement ce prêtre, il a en tout pour tout que quelques centaines d'euros pour se consoler. C'est ahurissant, et ça dit tout aussi de cette magistrature qui est clairement dans un travail de protection des putes. Enfin, je veux dire, c'est évident, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur toute cette histoire, mais c'est extrêmement révélateur. Alors, et dites-vous bien, et ça c'est pire, dites-vous bien que nous sommes dans un milieu qui est censé contenir la libido des femmes. Censé contenir l'hypergamie féminine, normalement, hein, dans le milieu des chrétiens pratiquants. Alors évidemment, hein, c'est pas à toute épreuve, mais enfin, c'est censé... Regardez avec quelle facilité elle se comporte. Alors imaginez dans les autres pans de la société où, au contraire, l'hypergamie féminine est encouragée, survalidée et couverte en plus par la presse. Mais comme tu dis, il y a un problème culturel et racial, parce que contenir l'hypergamie féminine dans une institution contenir l'hypergamie féminine, il y a une institution qui, pour se faire, emploie des mecs qui sont connus pour justement céder aux pulsions masculines qui sont le fait de vouloir niquer tout ce qui bouge. Bon, déjà, c'est mal barré, quoi. Parce qu'il est quand même bien dit que le négro était assez tactile, quoi. Donc, il est clair qu'il faut blâmer la vieille boumeuse de merde qui voulait se faire défoncer la rondelle, mais autant je pense qu'il y a un problème, parce que je pense pas un prêtre normal, blanc, aurait fait des accolades, des embrassades, aurait mis la main dans le dos à ses paroissiennes. Moi, je sais que non, je suis pas... plutôt paroissien, en fait. Voilà, c'est sûr. Non, mais je sais que par exemple, moi, je suis pas fait pour être prêtre. Je suis quelqu'un qui est effectivement aussi très tactile, même si je suis pas africain. Je sais que je n'ai pas la retenue nécessaire pour exercer ce genre de métier, en fait. Parce qu'il y a des métiers dans lesquels tu ne peux pas te permettre d'exercer si tu n'as pas une retenue vis-à-vis, enfin, si tu es trop enjoué, trop proche des gens, en fait. Il y a toujours une notion, surtout dans la prêtrise, hein, de distance qui est super importante à avoir. Si t'as pas ça, je sais pas comment tu peux être prêtre. T'es censé guider les gens, t'es pas censé être parmi eux, en fait. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le rite tridentin, parce que moi, je bâche le christianisme ou l'église en général, mais je m'y intéresse quand même. Je suis pas obtus vis-à-vis de tout ça. Mais par exemple, dans le rite tridentin, le prêtre n'est pas face à ses ouailles, en fait. Il leur tourne le dos parce qu'en fait, il sert de vecteur, de foi à ses ouailles pour s'adresser. En fait, il intercède au nom des attendants du public, en fait, auprès de Dieu. Donc il y a forcément une distance, il y a une hiérarchie, il y a une verticalité. Et là, avec le nègre, on a l'impression qu'il n'y a pas ça, quoi. C'est tout le monde est copain, je te mets la main dans le dos, peut-être un peu plus bas, et après je t'invite à danser la zumba s'il faut, quoi. Oui, tu as bien résumé l'esprit africain du catholicisme, effectivement. Oui, oui, oui, bah oui, non, mais ça c'est. Mais bon, voilà, bon, c'est intéressant. Alors par contre, hein, comme je l'ai dit aussi, une des certitudes avec les prêtres africains, c'est qu'ils sont hétérosexuels. Alors ça c'est au moins un avantage, on a au moins cette certitude-là qu'ils sont hétérosexuels. Donc ils vont pas aller toucher les enfants de cœur, voilà. Par contre, ils vont aller toucher les paroissiennes. Hein, donc bon, vous faites votre choix, mais oui, c'est tout à fait ça. Et pour ce qui concerne les hommes, non, dans l'Église catholique, mais c'est un secret de policier. Je disais encore d'ailleurs là récemment dans La Croix, hein, ils en parlent pratiquement ouvertement, hein, et même dans Marianne, il y avait aussi un papier intéressant dans Marianne. Je veux dire, dans l'Église catholique, c'est un secret de policier. Les prêtres sont homosexuels. C'est un secret de Polichinelle. Alors, il disait en fait, voilà, l'accord tacite, c'est qu'il ne faut pas que cette homosexualité sacerdotale soit visible pour les fidèles. Il ne faut pas que ça transparaisse. D'accord ? Donc, il faut que, voilà, lors des offices, etc., voilà, il y ait une retenue, voilà, qui va qu'à leurs occupations de prêtres, mais que ça ne ressorte pas. Mais une fois que les portes sont closes, etc., là, c'est tout à fait autre chose, évidemment. Et ben c'est en fait, aussi... la solution, en fait, ça serait tout simplement de filer des prêtres blancs pédés aux vieilles boumeuses et compagnie, hein. Enfin aux femmes en général, comme ça il n'y aura pas de problème. Ouais, ils en ont plus. Des prêtres blancs homosexuels ? Bah, il y en a plus. Ça vieillit tellement vite, si tu veux, parce qu'ils ont un déficit absolument colossal de prêtres. Il y a un vieillissement très accéléré. On va arriver dans environ une vingtaine d'années au grand maximum, parce que c'est pas tout d'avoir même des prêtres venus d'Afrique. Faut-il encore avoir des chrétiens ? Et aujourd'hui, enfin, il y a une mutation profonde du christianisme en France, c'est rien de le dire. D'abord, le grand fait, c'est que le christianisme aujourd'hui, enfin, notamment le catholicisme, puisque c'est la religion majoritaire quand on parle des... On parle du christianisme en France, bon, il y a des protestants aussi, mais c'est beaucoup plus... Enfin, jusqu'à présent, c'est marginal, mais ça prend du poids, puisque les évangélistes progressent, et à cause de la démographie africaine, mais on va se retrouver dans des situations où, pas simplement des paroisses, mais des territoires entiers seront vides de toute présence chrétienne organisée. Les paroisses sont déjà aujourd'hui, hein, je veux dire, il y a des paroisses qui sont complètement abandonnées, vous avez une présence qui est purement administrative, si vous voulez, vous avez un office dans une ou deux églises de temps en temps, et c'est vraiment une toute petite communauté en général. Ça peut être en trompe-l'œil dans les grandes villes, en raison de la concentration de la population, mais j'allais dire dans la France profonde, la déchristianisation est, pour ainsi dire, parachevée. Ça, c'est, voilà. Donc, du coup, comme la France profonde ne pratique plus, il n'y a plus toutes ces vocations. Hein, tout ça disparaît. Donc, quand on voit la moyenne d'âge des prêtres, là, c'est absolument incroyable. Et donc, ils compensent avec, alors au départ, avec effectivement des prêtres venus d'Afrique, mais l'Église catholique a compris qu'il fallait aussi compenser la perte de fidèles avec des fidèles venus d'Afrique. Il y a une stratégie qui se met en place Et voilà, hein, parce que la pratique est très très basse aujourd'hui en France. Le futur sera, ce sera encore plus marginal, et vraiment les seules populations qui sont susceptibles en fait de soutenir l'Église catholique comme institution en France, c'est exclusivement, je dis bien exclusivement, durant les décennies à venir, l'immigration africaine. Alors, on pourra toujours citer des communautés un peu traditionnelles avec des familles blanches, etc. Bien sûr, mais c'est des milieux sociaux très très très très particuliers. Et bon, c'est et moi, ta réflexion, Gandalf, m'inspire quelque chose. Il y a quelque chose moi qui me chagrine au niveau de au niveau de la pratique catholique qui disparaît. C'est le rite tridentin. Non, c'est tout simplement les rites funéraires, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation profonde des rites funéraires, et maintenant, même des gens qui ont été élevés dans le catholicisme, même des gens âgés, pour des questions d'économie d'argent, pour des questions de je sais pas quoi, ne veulent plus se faire enterrer. Et en fait, si on ne se fait pas enterrer, on n'occupe pas le sol d'un point de vue historique. Parce que il faut bien comprendre quelque chose. Autant les gens qui nous font face peuvent mentir autant qu'ils le veulent sur les réalités historiques, les réalités biologiques, à partir du moment où l'on met des coups de pioche dans le sol de France et d'Europe, on retombe sur les constructions historiques et également sur les restes de nos ancêtres. Vous faites 6 mètres sous terre, vous avez Rome, vous avez les Celtes, vous avez le Néolithique, vous avez tous ces gens-là en fait. Notre présence, notre existence, elle est ancrée dans le sol. À partir du moment où l'on se fait incinérer en masse, qu'on ne veut plus être enterré, qu'on n'occupe plus l'espace, et qu'au contraire, il y a des gens qui sont d'ailleurs, qui eux se font enterrer, je pense au cimetière musulman, je pense au cimetière juif, je pense à tous ces nègres qui vont se faire enterrer en France, alors on ne pourra dans le futur plus prouver notre présence, en fait. Enfin, on pourra toujours dater, c'est sûr, mais si vous voulez, il y a un côté psychologique et philosophique à ça, en plus du côté pratique. Et moi, c'est quelque chose qui me casse pertinemment les couilles, parce que c'est bien mignon, hein, les rites funéraires du vieux Norroi à se faire incinérer comme des guerriers vikings, mais en fait, je pense pas que ça soit la solution. Déjà, c'est un peu moins sexy, hein, l'incinération. T'es mis dans une boîte et t'es cramé dans un four, hein, donc c'est... T'es pas sur un drakkar, je veux dire, à la nuit tombée. Ah oui, en plus. C'est certain. Hein, bon. Oui, ça correspond à des mutations profondes de la société. Je sais pas à quoi correspond cette envie d'incinération. Pourquoi les gens tout d'un coup préfèrent ça? Je sais pas quelles sont les motivations exactement. Pourquoi les gens préfèrent l'incinération? Il y a peut-être un malaise à l'idée de la pourriture du corps. Oui, il y a aussi des questions. Excuse-moi de te couper un peu, mais il y a des questions pragmatiques. C'est-à-dire que le caveau, après, il faudra le renouveler, il faudra le payer. Donc, si en plus les gens ont de moins en moins d'enfants ou de petits-enfants, ce qui fait que peut-être il n'y aura pas de descendants pour payer, ou alors ils n'ont pas envie d'embêter leurs petits-enfants pour continuer à payer. Bon, il peut y avoir diverses raisons, mais après, traditionnellement, on faisait un enterrement dans un cimetière, bien sûr. Que les médias nous appellent des cimetières municipaux. D'ailleurs, ils parlent des cimetières musulmans, des cimetières juifs, mais des cimetières municipaux. Ouais. Donc le mot chrétien a disparu. Mais j'ai une petite remarque sur les notions de pratique catholique. Alors, Gandalf, tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait de moins en moins de pratiques, que dans certaines régions de France, il y avait quasiment plus rien. C'est vrai, je crois qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous avez des gens qui vont à l'église parce que ça va être un lieu social, parce qu'ils vont rencontrer des gens. Et je reviens à la boumeuse. Elle voulait peut-être rencontrer des gens, plus. Enfin, c'était peut-être, bon, mais on a toutes les preuves comme quoi c'était le cas. Mais justement, je crois qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui croient pas en Dieu. À l'inverse, je crois qu'il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas et qui croient en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, historiquement, normalement, dans le catholicisme, quand on le mensonge, alors là, par exemple, la boumeuse, elle a menti et calomnie. Alors la calomnie, c'est très grave puisque c'est détruire la réputation d'une personne. C'est plus grave que de voler de l'argent à quelqu'un. Donc c'est encore davantage puni du point de vue théologique que du point de vue pénal. Et puis le mensonge, on a l'habitude de dire que c'est Satan le père du mensonge. Donc quand on ment volontairement, Eh bien, on travaille normalement pour le diable. Hein. C'est historiquement que ça, c'est comme ça dans le christianisme. Donc, c'est quand même aller très loin. En plus, évidemment, elle, j'imagine qu'à 67 ans, elle a déjà connu des hommes. Je ne sais pas si elle a fondé des familles, etc. Une famille, si elle a eu des enfants. Mais normalement, il y a donc le célibat des prêtres d'un côté, c'est vrai. Et puis, bah, théoriquement, c'est de montrer, de fonder une famille. Si possible en étant vierge avant le mariage. Bon, évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, mais je m'interroge sur l'idée de pratique. Qu'est-ce que c'est que pratiquer? Si pratiquer consiste à voir un peu du monde, soit pour boire le café, soit pour manger des petits gâteaux, soit pour draguer le prêtre africain, c'est une notion que enfin, qui est, à mon avis, à relativiser, mais voilà ce que je voulais dire. Écoutez, messieurs, je vous propose d'aller à Cologne et vous allez voir que c'est connexe. C'est connexe avec ce sujet qu'on vient juste d'aborder. Hein, donc, les femmes et la religion. Les femmes et la religion. Et le masque, derrière le masque de la femme religieuse, de la femme pieuse, comment dirais-je, la nature, la véritable nature des femmes qui s'y trouve. Alors, rubrique numéro 2. Hein. Vaginocratie. C'est un sujet important, puisque c'est le paradigme en fait sur lequel fonctionnent les sociétés occidentales aujourd'hui, depuis maintenant quelques décennies. On a souvent parlé de ce paradigme dans l'émission. Et des gens, je trouve, dans nos milieux, en fait, n'ont pas pleinement intégré cette dimension-là. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris en fait que la société, enfin comment dirais-je, que l'équilibre entre les sexes a été fondamentalement rompu et que l'équilibre au sein de la société, par voie de conséquence, a été fondamentalement rompu, avec pour conséquence tous les dérèglements sociaux auxquels on assiste en Occident depuis, en fait, qui strictement concomitant, en parallèle à la montée en puissance du féminisme, qu'on peut aussi associer à la féminisation des hommes. Hein, les deux sont liés, hein, donc masculinisation des femmes. Féminisation des hommes. Alors, on va en Allemagne. Cette histoire a fait quand même pas mal parler. Moi, j'ai des choses à en dire. Je pense que vous aussi. Alors, je vous lis cet article. C'est passé sur Russia Today. Alors, à Cologne, l'appel à la prière des musulmans du vendredi a été autorisé dans le cadre d'un projet initialement limité à 2 ans. Donc, c'est une expérience officiellement. Pour le maire de la ville, à la célèbre cathédrale, cela montre, je cite, que la diversité est appréciée et vécue. En se promenant à Cologne, le vendredi, il sera bientôt possible d'entendre l'appel du muezzin, cet appel vocal à la prière des musulmans. Comme annoncé par la ville le 7 octobre, un projet pilote a été lancé pour une durée de 2 ans. Sur demande et sous certaines conditions, les communautés de mosquées peuvent désormais appeler leurs fidèles à la prière du vendredi midi. Pour le maire, qui est une femme, Henriette Recker, soutenue par Merkel, hein, je précise, hein, elle est soutenue par la droite parlementaire allemande, dont Merkel est bien évidemment la figure de proue. Là, elle quitte la politique, mais c'est ce qui se passe. Ce projet, dans une ville où il y a une forte communauté turque, est, je cite, un signe d'acceptation mutuelle de la religion, autant qu'un engagement en faveur de la liberté de religion protégée par la Constitution. Selon Die Welt, la mairie a également justifié le projet par le fait que dans la ville célèbre pour sa cathédrale, les cloches appellent les chrétiens à la prière. Lorsque nous entendons l'appel du muezzin, en plus des cloches des églises et des églises de notre ville, cela montre que la diversité est appréciée et vécue à Cologne, a déclaré Henriette Recker. L'appel est soumis à certaines conditions. Il n'est autorisé que le vendredi entre 12h et 15h, est limité à 5 minutes et son volume doit être adapté suivant l'emplacement de la mosquée. En outre, les communautés doivent désigner une personne de contact pour toute question et plainte. Au terme de 2 ans, ce projet pilote sera évalué. Donc, sous-entendu, poursuivi. Hein. Alors, interpellé sur les réseaux sociaux suite à cette décision, le maire Henriette Recker a répondu que c'était une façon de montrer le respect aux musulmans du maire en général et que ça s'inscrivait dans le projet multiculturel de la municipalité de Cologne. Alors, j'ai commencé sur un ton relatif, enfin, j'ai commencé à parler du féminisme, mais avant d'y venir, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire suite à cette cette, alors officiellement expérience, mais dont on sent bien en fait qu'elle va devenir permanente et qui va probablement hein, faire tache d'huile dans le reste de l'Allemagne où vivent de très nombreux musulmans. Ah, quelque chose de très drôle que tu as dit là. Attends, je retrouve la phrase. Ah oui, alors ce qu'un entendant appelle du musulman en plus des cloches des églises de notre ville, cela montre que la diversité est appréciée et vécue à Cologne. Alors, comment dire? Je crois que les femmes de Cologne, la diversité, elles l'ont particulièrement vécu hein, un réveillon il y a 3-4 ans. Non, c'était en 2016 exactement. 2016, voilà, donc c'était 5 ans. Lorsque plus de 1000 d'entre elles, au moins officiellement, ont été victimes à minima d'attouchements, d'agressions sexuelles, voire de viols, hein, par tout un tas de sales races qui étaient présentes sur le centre-ville et sur les places principales. Donc je pense que ça devrait suffire hein, comme diversité vécue. Bah non, en fait, faut croire que non. Donc elles en remettent une couche. Puis, la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est quand elle parle de respect. Ah, il faut montrer du respect aux musulmans et à l'islam. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'il faille être irrespectueux envers les gens qui sont de cultures ou de confessions différentes. Ce n'est pas ça. Mais là, ce n'est pas une question de respect mutuel et ce n'est pas une question de respect tout court. C'est une question de soumission, en fait. Et ça ne m'étonne pas que ça vienne d'une gonzesse. Parce que la façon qu'une gonzesse a de survivre en fait à une invasion ou à un conflit, bah c'est d'ouvrir sa chatte en fait, c'est de fermer sa bouche et d'ouvrir sa chatte à l'envahisseur. C'est dont acte, voilà. Alors oui, c'est sûr, acte de soumission. Alors il y a plusieurs éléments saillants dans son propos, hein, dans son, j'allais dire, dans le laïus servant à justifier ce projet, hein, qui est une initiative de sa municipalité. Et je le redis, cela ne vient pas d'une femme issue de la gauche radicale ou même de la gauche. D'accord, c'est vraiment une femme qui est soutenue par Merkel. Alors vous allez me dire, bon bah oui, mais c'est pas très étonnant compte tenu de la politique de Merkel au plan migratoire, dont les conséquences s'étaient déclinées hein, effectivement à Cologne lors du Nouvel An, ce que tu as très bien cité d'ailleurs. Oui, il y a une continuité de ce point de vue-là, mais enfin, on a affaire à la droite. Donc, imaginez ce que ça sera face, parce qu'on va avoir une nouvelle majorité, en fait, écolo-socialiste, là, à Berlin. Donc, imaginez ce que ça va être pour la suite. Premier élément intéressant, c'est le relativisme. C'est le relativisme. D'accord, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le discours, enfin l'angle qui est présenté, c'est qu'elle vous dit oui, mais il y a des cloches qui sonnent. Donc s'il y a des cloches qui sonnent, il peut y avoir le muezzin. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est la capacité de cette femme à faire complètement abstraction du fait que oui, il y a quelques millénaires d'histoire avant le moment où elle vit en fait. C'est-à-dire qu'elle est tellement absorbée par elle-même que la moindre recontextualisation historique lui est totalement inaccessible en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'elle dit ah bah il y a des cloches, donc s'il y a des cloches, pourquoi il n'y aurait pas l'appel du médecin? Et là, en fait, on en vient effectivement à la question de la territorialité, de la primauté, et donc de la préséance. Qui dit préséance, primauté, dit hiérarchie, évidemment. Et c'est là qu'on rejoint son discours sur le respect, parce qu'elle a bien motivé sa décision par le respect. Il faut montrer le respect aux musulmans. Aux musulmans, dans ce cas précis, mais d'une manière générale, à tous les gens qui vivent à Cologne qui ne sont pas d'origine allemande. Hein, et il y en a de plus en plus, et de moins en moins d'allemands d'ailleurs. Il faut creuser un petit peu ça. Donc je disais hein, que, comment dirais-je, elle met sur le. Fait une équivalence entre les cloches de la cathédrale de Cologne, bon, qui est quand même séculaire, et donc ces nouvelles mosquées qui sont sorties de sol il n'y a pas très longtemps finalement. Et elle dit c'est pareil. Ben en fait, ça vient de la conception même du respect qu'ont les femmes. Alors, quelle est la conception féminine du respect? Vous allez voir que c'est assez frappant de voir que cette conception, en fait, est devenue totalement dominante aujourd'hui dans le monde occidental. Ben, pour les femmes, le respect, il est par défaut. Le respect, en fait, c'est de reconnaître la valeur de quelqu'un, de reconnaître, en fait, la valeur d'une personne à égalité. C'est comme ça que comprennent le respect les femmes. Donc, une femme considère, par principe, que vous devez la respecter sans aucune justification préalable. D'accord ? Et c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, voilà, le respect, il est dû naturellement aux musulmans, il est dû à toutes les personnes en général. C'est une conception profondément féminine, parce que les femmes attendent elles-mêmes des manifestations de sympathie, d'attention, même des louanges, des compliments, simplement du fait qu'elles sont là. Voilà, d'accord ? Et du coup, en fait... Cette conception, elle la promeut maintenant qu'elle est à la tête de la mairie de Cologne. Hein, donc voilà. A priori, il faut respecter tout le monde. Alors, quelle est la différence avec le respect tel qu'il est compris par les hommes ? Et ça touche en fait à la différence fondamentale entre les sexes. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont et les hommes deviennent. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ce qui invalide d'ailleurs... toutes les théories délirantes de Simone de Beauvoir. Hein. On n'est pas femme, on le devient. C'est complètement con. Les femmes sont. Les femmes sont d'une nature inerte, en réalité. Les hommes, au contraire, doivent constamment prouver ce qu'ils valent. Ils doivent constamment prouver ce qu'ils valent. Ils ont l'obligation d'être performants. Un homme qui n'est pas performant est considéré avec très peu d'égard par les autres hommes. La compétition est au cœur des rapports entre les hommes. Et les hommes qui sont très performants dans un domaine de compétences particulier, que ça peut être dans leur profession, ça peut être un sportif, ça peut être un docteur, ça peut être un acteur, peu importe, la performance est au cœur, la compétition est au cœur, et celui qui arrive en tête de cette compétition est respecté. Mais il n'est pas respecté parce que, simplement, il a un nom, il est respecté parce qu'il a réalisé quelque chose. Et ces réalisations servent de modèle pour les autres hommes qui veulent le copier pour avoir justement le même ascendant, le même statut social et le même ascendant sur les autres hommes. Donc c'est la lutte entre les hommes pour déterminer quels sont les mâles dominants, en fait. Donc ça, c'est la conception du respect chez les hommes. Donc ça peut, je vous dis, hein, ça peut être du respect vis-à-vis d'un homme parce qu'il est puissant, il est fort, il est intimidant, ça peut être une baraque, par exemple, vous voyez, c'est un mec, un gros costaud. Ou alors c'est un scientifique de renom, etc., etc. Voilà. Mais il commande chez les autres hommes une déférence naturelle parce que les autres hommes savent apprécier sa valeur au titre de ses réalisations. C'est quelque chose qui échappe totalement aux femmes. Parce qu'évidemment, simplement, quand vous regardez les réalisations des femmes et des hommes, bah, les femmes n'ont aucune chance. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans tous les domaines sportifs, ça c'est très marrant d'ailleurs avec le football, vous n'avez qu'à regarder, ils essayent de mettre... sur le même niveau, le football masculin et le football féminin. Sauf que quand on fait rencontrer une équipe féminine, une équipe féminine rencontre une équipe masculine, ça se termine toujours en humiliation pour l'équipe féminine, ce qui est évident, je veux dire, au plan de la performance physique innée des hommes. Bien. Et ça, si vous voulez, les femmes en ont conscience. Donc c'est aussi pour ça, parce qu'elles savent leur infériorité physique, leur infériorité en termes de dons, tout simplement, qu'elles ne veulent pas de hiérarchisation. C'est ça qui se trouve au cœur du truc. Donc quand elles promeuvent leur conception de la diversité, en fait, elles prêchent pour leur paroisse. C'est une façon d'associer d'autres groupes qui pourraient, d'après elles, redouter une hiérarchisation en termes d'apport objectif à la société, voilà, et de leur dire, voilà, on va casser le thermomètre, hein, on va arrêter un petit peu d'évaluer un peu les uns et les autres, et on va tous être amis, voilà. Et quand une femme arrive quelque part, dans n'importe quelle sphère masculine, professionnelle et encore plus politique, puisque le politique est un domaine masculin par excellence, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle casse les moyens d'évaluation des performances des uns et des autres, au titre de la lutte contre les discriminations. C'est là que ça colle avec le discours égalitaire de la gauche. D'accord ? Donc, pour en terminer, quand vous avez ça en tête et que vous regardez donc cette conception du respect, ben c'est la conception sur laquelle fonctionne toute la société occidentale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de ce qu'ils appellent juger. Les femmes adorent dire ça, vous savez. Ah mais faut pas juger. Mais si, évidemment, faut juger. Évidemment qu'il faut juger. Sinon, on va mettre dans le même sac des gens qui sont des gens bien et des ordures. Je veux dire, on va mettre des criminels, des violeurs de grand chemin avec des gens qui sont probes, honnêtes et qui travaillent dur. Donc évidemment qu'il faut juger, bien évidemment. Mais cette conception est devenue totalement prévalente. Vous comprenez? Et ben voilà, on est là-dedans. Et c'est ce qui lui fait dire, ah ben non, vous savez, oh, les cloches, oui, bon ben voilà, oui, c'est pareil, et ça. Et je crois qu'on ne le comprend pas assez dans la déconstruction, parce que l'époque est à la déconstruction, à la fois du féminisme, mais du projet multiculturel en lui-même. Alors tu as tout à fait raison dans ce que tu viens de dire, je suis à 100% d'accord avec ça, mais je rajouterai quelque chose. Les femmes, par exemple, hein, nous autres, sales néo-nazis, fascistes, néon-nazis plutôt, fascistes, racistes, homophobes et tout ça, on est souvent accusés de quoi ? On est accusés par ces gens-là, donc la diversité, les gonzesses, les gauchistes, d'être quoi ? Par exemple, d'avoir des petites bites quand on parle de l'immigration massive d'Africains. Donc avoir une petite bite, ce n'est pas être un homme. Pourquoi ? Parce que c'est symbole, on va dire, de non-performance. Non-performance dans l'orgasme féminin, d'accord ? Ou on peut aussi également être traité de quadra raté au RSA qui vit dans la cave de ses parents. Enfin, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Il y a beaucoup de maisons là-bas avec des sous-bassements dans lesquels les enfants font généralement des chambres ou des aires de jeu. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, alors qu'elle décide pour elle-même et pour la collectivité de ne pas se référencer à des baromètres, à des échelles de valeur, elles connaissent très bien ce système et elles savent très bien attaquer les hommes qui leur font front avec un système de valeur. Parce qu'en fait, ce qu'elles disent, c'est « vous n'avez pas de valeur, vous ne valez rien et c'est pour ça que votre avis ne compte pas ». Oui, aux États-Unis, j'ai vu pas mal de femmes réagir sur Twitter quand elles veulent essayer des femmes qui se disent féministes de gauche, comment dirais-je, pour un petit peu s'en prendre à des mecs qui critiquent, je sais plus trop quoi, enfin dès qu'il y a quelque chose qui leur déplaît, mais notamment avec l'histoire de, comment dire, l'histoire récente en Afghanistan, là, avec l'histoire faire venir aux États-Unis des migrants afghans, etc. Et il y avait une femme qui avait réagi comme ça. Elle avait dit « Little Dick Energy ». C'est ce que tu dis. Hein. Voilà, ah ouais, c'est ça. C'est Small Dick Energy. Voilà, t'es un raté qui vit dans le sous-sol de tes parents. C'est ce qu'on voit beaucoup aux USA comme insulte, effectivement. Alors le truc « Little Dick Energy », déjà, c'est intéressant que les femmes mettent, enfin, ce genre de gonzesses mettent aussi publiquement ça sur la table. C'est-à-dire, en fait, la performance sexuelle. Donc, ce qui invalide totalement le discours sur l'égalité féminine, homme-femme, etc. Enfin, je veux dire, visiblement, ouais, la performance, ça compte, quoi. Donc, évidemment que les femmes évaluent la performance des hommes, voilà. Mais vous allez retrouver ça partout où les femmes prennent le pouvoir. Donc, avec Hidalgo à Paris, par exemple, là, c'est manifeste, mais il y a toute une série de villes comme ça, écolo-communistes, où des femmes arrivent au pouvoir, parce qu'en fait, les hommes capitulent, hein, dans ces villes-là, donc des villes de bobos, du tertiaire, où en fait, c'est très révélateur, hein, c'est des villes en fait tertiarisées à outrance, mondialisées, où on est dans des boulots de bureau en fait. Et alors évidemment, dans les boulots de bureau, ça peut vouloir tout dire et rien dire, parce qu'on peut être un ingénieur de pointe, bosser dans un bureau et être quelqu'un de très très performant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de bullshit jobs en bureau qui permettent à des bécasses de ramasser 3 000, 4 000 euros par mois et de vivre très confortablement, de réseauter, hein, de créer des coteries et ensuite de s'immiscer dans la politique. Parce qu'en fait, la politique devient, dans ces villes-là, devient simplement de la gestion d'affaires courantes, pratiquement même une spécialité d'assistante sociale. Et c'est ce qu'on voit à Nantes. C'est ce qu'on voit à Rennes, hein, à Perret, Johanna Roland. C'est ce qu'on voit à Strasbourg. J'ai oublié le nom, mais elle est d'origine arménienne, mais elle courtise les Turcs, ce qui n'est pas piqué des hannetons. La même chose, bien évidemment, à Poitiers. Il y a toute une série de villes comme ça. Et c'est toujours le même discours. Et ce discours-là, quoi, typiquement. Hein. C'est toujours ce discours-là. Et ça s'explique très bien au plan de la psychologie féminine. et à quel point les hommes et les femmes ne pensent pas du tout pareil. Il n'y a pas d'égalité homme-femme, elle n'est pas possible. Les hommes et les femmes sont biologiquement déterminés pour avoir un fonctionnement psychologique complètement différent et d'ailleurs complémentaire, mais chacun dans son rôle et dans sa fonction. Et le politique doit échoir aux hommes. Mais là où les femmes, si vous voulez, ne peuvent pas être blamées, c'est que les hommes, dans ces villes-là et d'une manière dans toutes ces sphères masculines qui devraient être masculines, qui leur sont abandonnées, c'est parce que les hommes ne sont plus des hommes dominants. Mais ils sont broyés par la machine féministe qui a été validée aussi. Par exemple, il y a la parité. La parité au niveau électoral, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Je veux dire, pour ceux qui font de la politique sérieusement, ceux qui militent, d'accord ? Peu importe, là je fais vraiment abstraction des sensibilités politiques. Peu importe votre appartenance, droite, gauche, centre, peu importe. Quand vous militez, vous allez découvrir, la première chose que vous allez découvrir, c'est quoi ? C'est que les seuls hommes qui réagissent à des messages politiques au point de vouloir frapper à la porte d'un parti ou d'un mouvement politique, ou de vouloir assister à une réunion politique, dans 90% des cas, si ce n'est dans 95% des cas, ce sont des hommes. Les hommes sont intéressés par la politique. Les femmes ne sont pas intéressées par la politique. Et il y a une erreur que font souvent les jeunes hommes, c'est parler de politique à une femme. Il n'y a rien de plus soporifique pour une femme. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, son attention s'est complètement évanouie. C'est normal. Elles sont programmées pour ça. D'accord ? Et le problème, c'est que maintenant, elles font de la politique, entre guillemets, ou plus exactement, elles dénaturent la politique en entrant en politique. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Si vous les élisez des femmes, vous aurez une catastrophe à la clé. Et nos ancêtres le savaient, je veux dire. C'est peut-être ça le plus sidérant, c'est que quand vous regardez toutes les sociétés européennes, c'était quelque chose qui était complètement acquis, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'en apporter la démonstration, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous sommes redevenus des amateurs, ils ne comprennent même pas les règles élémentaires de fonctionnement d'une société humaine, et on prête aux femmes des capacités de décision, d'entraînement, de pensée à long terme, etc. Ce qui est ahurissant, je veux dire, c'est ahurissant. Voilà. Alors en plus, maintenant, et bon... J'arrête mon laïus là-dessus. C'est, vous savez, avec avec la présence islamique et le terrorisme, une certaine progression du salafisme, et d'une manière générale, le fait que les personnes musulmanes en France, qui soient, d'immigration récente ou qui ont été naturalisées, comme ils sont attachés à une certaine forme de patriarcat, cet amalgame, pardonnez-moi l'expression, c'est galvaudé, mais voilà, c'est comme ça, qui fait que dès que vous faites une critique du dogme féministe, vous êtes réduit à un musulman mental. Ça c'est absolument frappant. La grande spécialiste de ce truc-là, les grands spécialistes de ce truc-là, c'est les féministes type Caroline Forest et les juifs. Et c'est très intéressant, parce que pour qui a lu Otto Weininger, par exemple, le lien entre les femmes et les juifs, bon, hein, il est solidement établi quant à leur nature. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point, en fait, toute apparition dans l'espace public d'une volonté masculine de réaffirmation de son autorité, de sa souveraineté, est diabolisée, bien évidemment, mais renvoyée à l'islam radical. C'est absolument frappant. Et ce qui fait dire que, grosso modo, il y a 50 ans, dans la France de 50 ans vers laquelle tout le monde veut revenir, si j'en crois tous les réactionnaires de droite, était en fait une société islamique. Je veux dire, ce qui est quand même fou, quoi. Et en fait, c'est un sketch, parce que en fait, quand la société était patriarcale, l'Europe s'en portait visiblement mieux, quoi. Mais en fait, c'est très drôle, parce qu'encore une fois, c'est une grande contradiction, parce qu'ils vont prendre la défense des musulmans en tant qu'envahisseurs, ou en tant que couti du génocide des Blancs, on va dire, parce que c'est pas les musulmans qui ont décidé de procéder à notre élimination sur le long terme, hein, c'est les juifs et les femmes. Mais ce qui est très drôle, c'est que, en fait, quand ils parlent musulman mental, c'est juste de dire, ils parlent du patriarcat, ils parlent des traditionnalistes. Ouais, oui, il faudrait le retour de la virilité, le retour du courage aussi, comme le soulignait Solzhenitsyn dans les discours de 78, dans lequel il disait que le trait saillant des sociétés occidentales, c'était le déclin du courage et que c'était, ça avait toujours été le signe avant-coureur de la chute, et de la chute d'une civilisation. Donc lui qui avait connu les goulags, l'Union soviétique, qui était déjà en phase, enfin pas très loin de s'écrouler, avait souligné que tout n'allait pas bien en Occident, et que notamment, pas pour des questions spécifiquement économiques, mais pour des questions morales, c'est-à-dire voilà, savoir dire non, s'affirmer. Donc lui, il avait dit, ça avait été traduit par courage, mais on pourrait dire aussi par ailleurs virilité. Mais Fulbert voulait dire quelque chose. Oui, non, je voulais simplement un peu prolonger ce sujet des... La responsabilité des femmes en Europe et dans le monde occidental à propos de l'islam, parce que je voyais tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais un article qui nous apprenait qu'au niveau de l'Union européenne, vous savez, ce vieux machin femelle qui s'appelle Ursula von der Leyen, offre, au nom d'Europe bien sûr, hein, de l'Union européenne, je crois que c'est 10 milliards, je ne pense pas que ce soit 10 millions, hein, c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver l'article, mais je crois que c'est 10 milliards d'euros pour aider le peuple afghan, en quelque sorte, à se reconstruire, ce qui est assez comique. C'est un milliard, ouais, 1 milliard d'euros. 1 milliard, d'accord, oui. Mais enfin, voilà, que demande cette femme en offrant ce milliard d'euros, mais elle demande plus d'islam, finalement. Ce n'est certainement pas pour les garder chez eux, parce que, en plus, l'article affirmait que la natalité en Afghanistan, malgré la guerre qui dure depuis plus de 20 ans maintenant, la natalité est en plein boom. Donc, elle veut acheter des Afghans, soyons clairs. Oui, Macron, qui est finalement le mal bêta par excellence, s'est mis en scène lors d'un tournoi de football que vous avez vu cette semaine, je présume, à vocation caritative. Quel était l'objet de ce tournoi de foot là? Il y avait Desailly, Arsène Wenger et compagnie, ensuite ils ont fait tous la fête à l'Elysée. C'était d'aider un institut situé à Kaboul, pour s'occuper des mères et de leurs enfants, donc de la natalité afghane, un pays qui a doublé sa population en 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un pays qui a doublé sa population en 20 ans de présence américaine, d'accord, américano-occidentale et de l'OTAN. Donc apparemment, il n'y a pas assez de gosses en Afghanistan, il n'y a pas assez d'Afghans qui se tirent de leur trou à rat pour arriver en Europe, il faut encore leur filer du cash pour qu'ils fassent des gosses. Et non seulement il faut leur donner du cash, mais le président de la République trouve le temps de se dégager une après-midi pour aller taper dans le ballon avant de se marrer et de faire une soirée karaoké avec ses copains du showbiz. Donc c'est vous dire le niveau de dévirilisation. Parce qu'en plus, le numéro de cirque là, de football de Macron, c'est censé le reviriliser. C'est ça le plus drôle. C'est-à-dire qu'il faut le voir en tenue sportive, transpirant, voyez, comme on dit, mouiller le maillot, hein, pour un peu émoustiller les rombières, pour dire à la vache, il est bien de sa personne, il est sur le terrain, il n'hésite pas, etc. C'est pour une bonne cause. Alors, ouais, ça, c'est vraiment, c'est le message est fait pour les ménagères et incidemment pour les bougnoules. Et, sauf que c'est tout l'inverse. C'est le mal bêta par excellence. C'est le mec, tu vois, il va se mettre en scène en train de larbiner pour donner du pognon à des bougnoules qui viennent de lui foutre un énorme coup de pied au cul, les armes à la main. Et personne ne l'enlève, ça qui est fou, quoi, tu vois. Je crois qu'il n'y a même plus les outils cognitifs en France pour voir des trucs aussi évidents. Et pour les dénoncer. Vous allez me dire, si jamais par hasard vous arrivez à les voir et vous voulez les dénoncer, de toute façon, on vous ferme les portes des médias, hein, c'est sûr. Mais quand même, faire la charité en essayant de rouler des mécaniques et en montrant ses muscles de coquelet d'ailleurs, pour envoyer du cash en Afghanistan qui viennent juste de foutre dehors les derniers Français qui s'y trouvaient. On ne sait même pas d'ailleurs ce qu'ils y foutaient en premier lieu. C'est stupéfiant. Et pour donc ça fait le lien avec ce que tu disais, Fulbert, avec von der Leyen. Là, c'est l'Union européenne. Voilà, c'est une institution femelle et vaginocratique par excellence. C'est-à-dire c'est un truc qui ne sert à rien si ce n'est à parler. Et à cramer le fric que les hommes gagnent à la sueur de leur front, hein, donc une institution d'assistance sociale. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Bah, elle dit un truc d'assistante sociale. On va distribuer du pognon volé aux blancs, à ceux qui se font chier à travailler tous les matins, pour aller le bazarder au-dessus de l'Afghanistan, après avoir fait ça pendant 2 décennies là-bas. Avec le succès qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a déversé des milliards, des centaines... Les Américains ont déversé des milliers de milliards de dollars sur l'Afghanistan. Ça a servi à rien, d'accord ? À aucun niveau, si ce n'est à les démultiplier, donc à démultiplier les problèmes, parce que plus vous multipliez les Afghans, plus vous démultipliez les problèmes en Afghanistan. Hein. Un Afghan égale un problème. Et plutôt que d'en tirer toute la conclusion, on refait encore la même chose, hein, par Western Union. Et là, il y a quand même une adéquation. On en parlait la semaine dernière dans l'émission. Là, il y a quand même quelque chose. Hein, Avec le mari von der Leyen, qui est docteur en médecine. Qui aurait des conflits d'intérêts assez importants avec une certaine entreprise Pfizer. Ah oui, non, mais ça c'est sûr qu'ils prennent tous des valises de ces gens-là. Ça... Enfin, voilà, c'est la profonde dégénérescence de l'Europe qui aujourd'hui est le fait marquant. Hein. Quand on voit des sociétés quand même, qui étaient quand même très, très dures, hein, très viriles, très martiales, comme la société allemande, sans même citer, je veux dire, le national-socialisme, le Troisième Reich, etc. Mais même l'Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale, une société prussienne quand même très militarisée, la société française aussi était très militarisée, des valeurs masculines étaient encouragées chez les jeunes hommes, pardon. On voit aujourd'hui, on en est, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, effrayant. Et ce qui pose problème, à mon sens, ça fait un peu le lien d'ailleurs avec l'extrême droite actuelle, et notamment le Rassemblement National, et notamment la lassitude avec Marine Le Pen, parce qu'il n'y a pas juste la lassitude sur ses positions politiques, même si elle s'explique par le fait qu'elles sont une femme. J'en ai parlé la semaine dernière, enfin, j'avais donné mon opinion là-dessus la semaine dernière, que la dédiabolisation, justement, était, donc, par peur du conflit, une peur atavique des femmes, hein, était une position par de conception féminine. La dédiabolisation ne pouvait être qu'une conception de femmes et de juifs. C'était absolument évident, quoi. Face à cela, on voit bien que Marine Le Pen et l'extrême droite féminine en France, parce que de fait, c'est ça, ne proposent rien pour remettre en cause le féminisme. Chez Marine Le Pen, c'est absolument clair, quoi. C'est, on le voit, il n'y a rien dans son programme qui consiste à s'intéresser au seul sujet pratiquement qui compte, c'est reviriliser la société française en redonnant le pouvoir aux hommes. Par évidence, une femme ne va pas le faire. Donc voilà. Donc c'est quand même hallucinant qu'en 100 ans, on soit passé de société très martiale, très organisée, rayonnante, puissante, dominatrice, forçant le respect bien au-delà des frontières de l'Europe d'ailleurs. Hein. L'Europe, avant 1914, est le centre du monde. Pour de bonnes raisons. Et les puissances qui ne sont pas européennes veulent s'inspirer de l'Europe, elles copient l'Europe, elles essayent de trouver les solutions, d'adopter les solutions européennes. Et 100 ans plus tard, vous regardez ce que c'est l'Europe, c'est une espèce de zone totalement démilitarisée, pacifiée, ouverte aux quatre vents, sans aucun outil de puissance, sans aucun outil de puissance, gouvernée par des rombières qui palabrent en jouant les intéressantes sous les caméras de la presse européenne féministe. Voilà. Alors celui qui ne voit pas le poids écrasant des femmes dans cette dégénérescence, moi, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Et le plus intéressant, peut-être, c'est qu'au beau milieu de cette ultra-féminisation, on a des appels récurrents dans les médias à casser le patriarcat. C'est-à-dire que l'homme a disparu de l'équation, et les appels lancinants, de plus en plus pressants, se font entendre pour qu'on le fasse disparaître, alors qu'il est déjà disparu. Voilà, bon, c'est quand même en dingue, mais c'est pourtant notre réalité. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas d'incantation magique qui va faire réapparaître les hommes. Hein. Ce qui va faire réapparaître les hommes, c'est les conditions d'existence, en fait. Hein. C'est les conflits, hein. c'est les affrontements très sanglants pour la survie. C'est ça qui va faire réapparaître les hommes. Hein. C'est pas parce que intellectuellement vous percevez le problème que vous allez les ressusciter, hein. Je veux dire, c'est vraiment dans des luttes vraiment territoriales pour la survie que ça va se passer, hein. Voilà. Quelqu'un d'autre là-dessus ? Oh, un petit détail, tiens, en passant, un petit rappel plutôt, c'est qu'en Europe occidentale, en tout cas, les femmes politiques ont véritablement, ces 20 dernières années, trusté pratiquement tous les ministères de la Défense. Les femmes ont eu le contrôle politique des armées d'Europe occidentale. C'était le cas d'Ursula von der Leyen. À son époque, il y avait 4 pays qui étaient les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, je l'ai dit, et je ne sais quel autre pays encore du nord de l'Europe, qui avait un ministre de la Défense femme. Entre-temps, on a vu la France avec Florence Parly, on a vu la Belgique avec, j'ai oublié son nom, mais c'est une femme, et je suis certain qu'il y a encore d'autres pays, si on veut gratter, qui ont des femmes à la tête des armées. C'est très significatif. Oui, c'est très significatif, bien sûr. Bien sûr. Oui, et donc, bon... Et à côté de ça, on voit des pays comme la Chine ou comme la Russie qui sont des pays très masculins. Donc, qui, par comparaison, ont l'air d'être des pays, je veux dire, sains, par comparaison. Quoi. Je veux dire, c'est des pays masculins, autoritaires, martiaux, avec une conception saine de la politique, une conception saine de la géopolitique, c'est-à-dire c'est une conception réaliste. Et nous, on a ce mélange de juifs et de femmes qui sont les deux piliers de la démocratie occidentale. Hein. Les juifs et les femmes sont les deux piliers de la démocratie occidentale. Et ça nous donne les catastrophes à répétition qu'on voit hein, dans tous les domaines, en politique extérieure comme en politique intérieure. Mais bizarrement, aucune critique sérieuse de ce problème n'est posée. Au plan politique, hein, je veux dire, voilà, le féminisme, par principe, vous devez y adhérer, ça fait partie de l'orthodoxie étatique. Vous ne pouvez pas contester le féminisme. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas remettre les femmes à la place qui leur convient. Parce que c'est interdit par la loi, je veux dire. Hein. Alors évidemment, il faudrait reprendre le pouvoir par la force, etc., pour modifier tout cela, mais dans les démocraties, tout est verrouillé, fatalement. Vous voyez ? Oui, parce que tout dépend du suffrage, mais le suffrage, on le manipule. Et comment on le manipule ? Déjà, donner le vote aux femmes, déjà, vous avez réglé une grande partie du problème, du point de vue de ceux qui veulent garder le pouvoir tout en jouant avec les élections. C'est que, voilà, ça coule de source. Quoi. Ça coule de source. C'est notamment à cause du vote des femmes, que ceux qui croient que le salut par la démocratie est possible s'illusionnent totalement. Bon, maintenant, on va parler un peu de la tyrannie sanitaire quand même, parce qu'il se passe certaines choses. Alors, premièrement, je vais commencer avec ça, ça a l'air de rien, mais quand même. C'est passé dans Le Parisien. Bon, la troisième dose se précise, enfin, voilà, elle est déjà en train d'être déployée dans d'autres pays. En France, voici ce que ça nous dit, Le Parisien. Donc, après les personnes âgées de moins 65 ans et celles souffrant de comorbidité, autour des soignants, probablement. La Haute Autorité de Santé préconise ce mercredi que les professionnels de santé médico-sociaux, mais aussi l'entourage des personnes immunodéprimées, soient invités à recevoir une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, le plus souvent une troisième dose, au moins 6 mois après la dernière injection. Au total, près de 3,7 millions d'habitants seront concernés. Alors, un petit peu plus loin dans l'article, celle-ci, donc l'autorité sanitaire, hein, met également en avant la situation sanitaire très actuelle, très favorable, ainsi que les données encore limitées sur les conséquences d'un déclin d'efficacité vaccinale au cours du temps chez les adultes jeunes sans comorbidité. Mais elle précise aussitôt, après, que l'administration d'une dose de rappel, donc une troisième dose, pour toute la population, deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent. Donc voilà, la Haute Autorité Sanitaire prépare la troisième dose pour toute la population. Bon, on le savait, rien d'étonnant, mais voilà, c'est dans la presse, c'est dans Le Parisien. Et là-dessus, j'enchaîne avec les déclarations d'Elisabeth Borne, donc une femme, bon, premièrement une femme, hein, je le relève, juive, une femme juive. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ça, c'est une déclaration qu'elle a faite aussi dans les médias cette semaine. Donc, Elisabeth Borne n'exclut pas la perte du pass sanitaire pour ceux qui refuseraient la troisième dose. Hein. C'est quelque chose que l'on regarde, ça n'est pas encore décidé. Comprenez, c'est totalement décidé, c'est une question de temps. Voilà, ça c'était sur Europe 1, très exactement. Donc, cette femme juive, Elisabeth Borne, enchaîne peu de temps après les conclusions de la haute autorité sanitaire qui font savoir que oui, la troisième dose arrive. Alors, je vous rappelle qu'on avait parlé au départ de cette campagne de vaccination d'une dose, et peut-être d'une deuxième pour les populations immunodéprimées. C'était vendu comme ça à l'origine. Rappelez-vous, les gens n'ont pas de mémoire. Il y a 6 mois, on disait aux gens, au début de la campagne de vaccination, c'était une dose pour tout le monde. Les médias disent « Ah, peut-être une deuxième dose, mais ça sera vraiment pour les personnes âgées qui sont vraiment fragiles, etc. » Puis ensuite, c'est la deuxième dose pour tout le monde, on y est. Là, ils disent la troisième dose, mais pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées et les soignants, hein, voilà, et peut-être la population. Et ils sont déjà en train de préparer la suspension du pass sanitaire pour ceux qui refuseront la troisième dose. Troisième dose qui va être déployée dans les mois à venir, je ne sais pas combien, 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait par évidence que le passeport sanitaire va au moins s'étendre par voie de conséquence jusqu'à l'administration de cette troisième dose. Et en fait, au-delà, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc voilà, donc on est à la troisième dose et les sanctions se prisent déjà pour ceux qui refuseraient de suivre. Oui, concernant cette troisième dose, qui sera la condition sine qua non de la validité du pass sanitaire, effectivement, il fallait être bien naïf pour penser que les structures mises en place par le pass sanitaire, à savoir les QR codes et tout ça, ce serait quelque chose de temporaire. On nous avait pourtant dit que tout ça serait provisoire. Il s'agit juste de faire un petit vaccin. En fait, c'est pas un vaccin, c'est 2 doses. Et puis une troisième, et puis qui est suggérée au départ, et puis qui est après imposée. En Israël, je crois qu'ils en sont à la 4e dose. Donc, le passeport sanitaire devait être aussi levé éventuellement le 15 novembre. En réalité, il sera prolongé au moins jusqu'en juin 2022. Donc voilà, c'est le cycle infernal de ces doses qui n'améliore pas la santé des gens. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de casses, myocardite, péricardite, etc. Et Michel Simès a pourtant dit que les non-vaccinés tuaient des gens tous les jours. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Michel Simès, qui est lui aussi d'origine juive, j'aime le préciser. Mais sur la dynamique du pass sanitaire, que les gens réfléchissent 3 secondes, évidemment, d'abord dans leur stratégie, parce que là, ils discutent un projet de loi hein, pour le proroger, mais ils voulaient, en tout cas, c'était l'intention, c'était de le régionaliser. Alors évidemment, ils disaient, non, mais voyez, sous-entendu, voilà, on va permettre aux autorités locales, je ne sais pas si je pense que c'est au niveau des préfectures ou je ne sais, de décider de son application plus ou moins stricte, etc. Les gens sont là, ah, ça veut dire qu'il y a un assouplissement. Non, ça veut dire qu'il rentre dans le mécanisme de gestion territoriale de manière définitive. C'est ça que ça veut dire. Donc les gens interprètent cette régionalisation ou territorialisation de l'application du pass sanitaire comme une réduction du dispositif, alors qu'au contraire, il vise à l'intégrer et à impliquer dans sa gestion des autorités locales, et notamment des maires, etc. Donc l'objectif est exactement inverse de ce qu'on pourrait croire. Donc c'est très habile de la part du pouvoir de le faire comme ça. Donc ça, c'est une chose, donc voilà, pour le faire durer. Puis deuxièmement, imaginez que ça ne dure que jusqu'en juillet 2022. Bah, ça serait la prime aux non-vaccinés, par définition. C'est-à-dire que si en juillet 2022, il n'y a plus de passeport sanitaire, bah, du coup, tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, les millions de gens qui ont refusé de plier, ils sont une minorité. Mais enfin, il y en a quand même encore un certain nombre. Du coup, ils auraient dit, bah voilà, on a eu, on s'est pas vacciné, bon, bah, on est là, tout se passe bien, puis finalement, on peut retourner au cinéma et tout. Alors, vous avez vu, hein, vous avez accepté tout ça, nous non, qu'est-ce que vous avez gagné en échange? Vous croyez que le pouvoir va laisser ça se produire? Ce serait la prime, au refus d'obéir. Vous croyez que les autorités ne le comprennent pas? Ils le savent très bien. Jamais ils ne démantèleront, ils ne suspendront, ils n'aboliront un dispositif si cette abolition se traduit par une victoire morale et pratique de ceux qui ont refusé de leur obéir. Donc je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Mais dire juillet 2022, C'est pratique parce que du coup les gens n'ont pas de certitude par rapport à ça. Ah ouais, il sera peut-être supprimé. Puis ensuite il y a les élections, donc ils vont se dire ouais, bon, on ne sait pas, on verra bien, etc. Je vous assure que les autorités sur ce sujet-là sont absolument intraitables. D'où la troisième dose. Et puis ensuite la troisième, il y aura la quatrième, hein, fatalement. Donc voilà. Et donc tant qu'il y a des doses, il y a un passeport. C'est très simple à comprendre. Tant qu'il y a des doses, il y a un passeport sanitaire. Alors, si moi j'écoute ce qu'ils nous disent, puisque il n'est plus question d'éradiquer le virus, hein, avec ce vaccin, par définition, et qu'il se transmet quand même, avec la même virulence, bah, il va y avoir des doses tous les 6 mois ou tous les ans, c'est clair. Je veux dire, et là, il y a Pfizer qui a même un projet de médicamentation, etc. Donc, de toute façon, c'est évident que ça ne va pas s'arrêter, l'histoire des doses. Donc, il n'y a aucune raison que le passeport sanitaire s'arrête aussi. Voilà. Donc, il mène en bateau tous les gogos. Oui, tout à fait. Oui, il y a aussi une personne, on a parlé de CIMES, là, qui font partie des gens, bon, qui est docteur en médecine au départ, même s'il n'exerce plus depuis très longtemps, et quelqu'un à peu près dans la même veine et certainement aussi des mêmes origines. Vous vous souvenez peut-être d'un certain Jean-Daniel Flézaquier, ça vous dit quelque chose? Ah, celui qui était. Oui, tout à fait. Il est d'origine juive aussi, oui. Ouais, je ne vais pas en parler pendant 10 ans, mais un petit moment sur lui quand même, donc avec son nœud papillon. Donc c'est quelqu'un qui avait été formé à la médecine, donc il avait 70 ans. Il avait pris sa retraite il y a 3 ans. Je regardais son compte Twitter, il avait fait soit tweeté, soit retweeté 120 000 fois. Donc il s'ennuyait à la retraite, semble-t-il. Il y avait des constantes, donc c'était de critiquer les non-vaccinés qu'il considérait comme des sectaires. Il relayait systématiquement les tweets immémoriales de l'Holocauste pour dire « Tiens, tel enfant a été assassiné dans les chambres à gaz il y a 4 ans, enfin à l'âge de 4 ans et tout ça ». Donc il y avait des constantes. Il avait tweeté donc s'être fait vacciner pour la 3e fois et en être très heureux le 2 septembre. Et nous apprenons son décès le 7 octobre. Alors il a fait un malaise cardiaque dans la mer, semble-t-il, en Vendée, au Sable d'Olonne, et la mer a rejeté son corps. Il était à peine reconnaissable. Et Oui, il a dû pourrir dans la mer, en fait. Oui, 4 jours plus tard, ouais. Et un de ses derniers tweets portait sur... Il se réjouissait d'un nouveau vaccin qui apparaissait concernant la malaria. Alors, quand on connaît un peu le sujet du vaccin de la malaria, c'est qu'en fait, les Africains ont plus ou moins... Enfin bon, en utilisant une plante médicinale, notamment qu'est l'artémisia, ils ont réussi à... Ils arrivent à peu près à juguler certains effets. Bon, une plante qui avait été... utilisé par Mao, qui est connu en Asie, etc. Il y a eu un prix Nobel pour ça d'une chinoise en 2015, donc c'est une plante connue, mais en fait, Big Pharma va à tout prix imposer un vaccin contre la malaria qui, et par conséquent aussi, veut lutter contre la culture et l'utilisation de l'artémisia, qui est une plante interdite en France. Alors, comme je le répète, une chinoise, une docteure, une doctoresse a obtenu un prix Nobel en 2015 pour avoir exposé ses travaux sur cette plante et sur ses vertus. Voilà. Donc Jean-Daniel Flézaquier n'est plus, alors que normalement c'était quand même un des monsieur médecine de donc on aurait pensé que même s'il avait un léger embonpoint, il aurait pu vivre vieux, hein, mais non, il vit, semble-t-il, beaucoup moins d'années que des sectaires prix Nobel comme Luc Montagny, qui a pas loin de 90 ans, donc finalement Pfizer ne lui a pas apporté la vie éternelle. Oui, je vois le profil du boomer d'une part et du boomer juif d'autre part. Hein. Donc, il avait tout pour déplaire. Et donc, pour ceux qui ne voient pas exactement, qui ne le situent pas, c'était le gros à nœud papillon qui était chez William L'Energie pour parler santé tous les matins dans les années 90, si vous le situez un petit peu. Et comment dirais-je, effectivement, ce type était totalement fou. Sur son compte Twitter, ça, c'était ça. Hein, mais c'était un concentré de ceux qui gouvernent, en fait, de discours officiel, de doxa, quoi. Tout y était. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un lot pour le tout. Ils faisaient un lot pour le tout, effectivement. Ils étaient très, très représentatifs. Donc, de toute façon, dans le discours officiel, vous ne pouvez pas enlever un morceau, c'est tout ou rien. D'accord ? Donc, si vous doutez un peu du vaccin, de toute façon, dans la perspective de ceux qui contrôlent ce système, et vous savez de qui je parle, c'est comme si vous niez l'Holocauste. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Pour eux, c'est voilà, c'est pas une question de nature, c'est une question de degré. Si vous n'êtes pas encore en train de nier activement l'existence de l'Holocauste, c'est juste une question de temps. Hein, si vous doutez des vertus de Pfizer et des talents de M. Bourla, vous êtes de toute façon un antisémite farouche, un complotiste complètement débridé, et c'est plus qu'une question de jours ou de semaines avant que vous niez cette histoire de chambre à gaz, hein, d'abat-jour et en peau de juif et de savon en graisse de juif. Enfin, je veux dire, vraiment, hein, on en est là. Hein. J'oublie aussi les têtes réduites. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, les têtes réduites. Après la libération de Auschwitz, tout ça, ouais, ils avaient montré des têtes réduites, vous savez. Ils avaient dit, mon Dieu, les nazis font des têtes réduites. Ça a été pris très, très au sérieux, hein, attention, hein, c'est pris très, très au sérieux. C'est qu'après coup, qu'on a découvert, enfin, qu'il a été admis que les fameuses têtes réduites sortaient de musées, c'était sauvage qui faisait ça dans les jungles, et que les explorateurs européens avaient ramené en Europe et qu'on avait trouvé dans des musées, et pour fabriquer des pièces contre les nazis, dans le panthéon des horreurs pour accabler les nationaux-socialistes et justifier en fait la liquidation du national-socialisme après la défaite du Reich, on avait exhibé les têtes réduites pour faire peur aux familles, d'abord aux États-Unis puis ensuite en Europe. Ça a eu cours très très longtemps. Puis voilà, ensuite ça s'est dégonflé, mais les gens l'oublient un peu vite. Donc, c'est du même niveau, quoi. On est sur les mêmes niveaux d'escroquerie intellectuelle, hein. Avec Macron là et son histoire de noyade qu'il qualifie de vérité d'évidence solidement établie. Non. Et tout est comme ça, hein. Voilà. Donc, et quand vous doutez des bienfaits de Pfizer ou vous avez un esprit critique, eh ben vous êtes à deux doigts de mettre des juifs dans des fours. Hein. Mais je ne sais pas, est-ce que cette peur finalement n'est pas rationnelle quelque part? Je ne sais pas, je me pose la question de la part des juifs. Je ne sais pas. Il y a un fond de vérité. C'est vrai que si vous développez votre esprit critique, que si vous commencez à douter des gens qui nous dirigent, ma foi, normalement en défilant la pelote, vous arriverez à la pelote de laine, vous arriverez à la question du révisionnisme. Donc pourquoi pas, à la rigueur, se poser cette question. Mais. Par rapport à ça, moi j'ai découvert cette semaine qu'il y avait une émission, parce que alors il y avait les décodeurs, d'accord, du Monde, il y avait les fact-checkers, vérificateurs de faits en français, qui vérifiaient ce que disent les gens. J'avais déjà dit ça dans l'émission plusieurs reprises sur cette chose-là, qui en soi est absolument incroyable. Jadis, les médias, il y a toujours une complicité avec le pouvoir dans une certaine mesure, mais enfin. La fonction officielle des journaux, c'était de s'assurer que ce que disait le pouvoir en place était vrai. Soi-disant, c'était un pilier du système démocratique. D'accord ? Donc la fonction des médias, c'était de critiquer le pouvoir en place. Et aujourd'hui, et très officiellement, et de manière systématique, le rôle des médias n'est plus de remettre en cause le discours officiel des responsables politiques ou de la grande politique suivie par les États occidentaux. C'est de passer au peigne fin ce que dit le peuple. C'est absolument frappant. Et alors au départ, c'était le fact-checking, fake news, c'est apparu après l'élection de Trump, hein, et ça se renforce, et maintenant c'est l'anticomplotisme. Donc maintenant, dès que vous avez une nuance, une critique par rapport à ce qui est affirmé officiellement par le système, alors non seulement vous êtes carrément viré de YouTube, bien sûr, vous êtes censuré, mais en plus vous êtes qualifié de complotiste. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous distancer du discours officiel. Et cette semaine, je découvre quoi ? Sur LCI, quoi. C'est-à-dire la chaîne de Bouygues. C'est des chaînes d'oligarques, d'accord ? Il y a une émission hebdo, qui a parlé d'ailleurs de démocratie participative, qui s'appelle... comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le club anti-complot. Ça dure environ une heure, toutes les semaines. Le club anti-complot. Et c'est carrément les médias des oligarques qui accusent le peuple de mentir, je veux dire. Ils en sont là. Et le but, c'est de délégitimer toute critique. C'est-à-dire que si vous critiquez, vous êtes un complotiste, vous êtes dans l'irrationalité. Par définition, on ne peut pas prendre le temps de prendre au sérieux ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a il y a un a priori entre les positions respectives des deux parties. Il y a une partie qui est légitime et qui dit la vérité, c'est ceux qui ont le pouvoir, et il y a ceux qui contestent cette vérité, qui sont soit des fous, soit des manipulateurs, des menteurs, des escrocs. Et alors, et j'en termine, dans le lot, parce que c'est des catégories qui sont élastiques, en fait. Alors, au départ, c'était juste les antisémites. Au tout départ, quand on parlait de complotisme, moi, je me rappelle, hein, il y a une dizaine d'années, c'était exclusivement les antisémites. Exclusivement. Maintenant, alors, le pouvoir étant visiblement un peu inquiet, il étend le champ d'application de l'accusation de complotisme pour délégitimer ceux qui critiquent. Et là, j'ai découvert les crudivores sont maintenant ciblés. Je suis tombé de ma chaise, quoi. Alors, il y avait les antisémites, d'accord, ok, d'accord, les antisémites, anti-vax, bon, bah, ça, c'est bien acté. Ah, maintenant, les crudivores, ceux qui bouffent des légumes, quoi. Et le plus fou, c'est que tout ça se passe dans un environnement culturel nourri par les médias où ils promeuvent le végétarisme pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que quand on mange de la viande, hein, comme vous le savez, on fait monter la température. Hein, bon, apparemment, hein, je sais pas. Leur logique est très, quand même, on est plus proche du maraboutage que d'autre chose. Mais bon, bah bon, ils disent ça, quoi. Ils disent, voilà, vous bouffez de la viande, vous faites monter la température, c'est inacceptable. Il faut apprendre à manger léger et à manger des légumes. Mais paradoxalement, les crudivores, hein, donc ceux qui mangent que des légumes, sont dans une dérive sectaire et complotiste. Enfin, c'est fou, quoi. Voilà. Désolé, je t'ai coupé, mais c'est pour dire qu'il n'y a plus d'espace pour la discussion. Ce qu'ils nous disent, c'est ça. Il n'y a plus d'espace pour la discussion, il n'est plus question de parler. D'accord ? C'est ce qu'on dit, c'est à prendre ou à laisser. Et si vous le laissez, vous serez censuré et on viendra s'occuper de votre cas. Comme les gars de One Nation là, qui voulaient former une communauté, ils voulaient acheter du terrain là, dans le sud de, quelque part dans le sud de la France, un peu en mode hippie, là, on avait parlé de ça. Il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines. Et Mendes France et le juif Reichstadt de Conspiracy Watch, donc les menteurs juifs, ont fait sauter son financement participatif. Enfin, le financement participatif de cette organisation. Parce qu'ils les accusent de secte. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, la secte juive qui accuse les autres de dérives sectaires. Enfin, c'est quand même ahurissant. Le moment dans lequel on est, là, c'est fou. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais bon, ça peut... c'est tellement dingue que... Oui, non, il n'y a pas à t'excuser. Simplement, oui, des concernant l'efficacité de ces vaccins et la nécessité du pass sanitaire, j'ai vu une émission passer, tout du moins un extrait. L'émission était organisée par Pascal Pro sur CNews, parce que peut-être il voit que là, il est trop difficile de dissimuler l'intégralité des effets secondaires et des morts peu de temps après les vaccins. Donc là, c'était une émission cette semaine dans laquelle il a invité un certain Marc Doyer, D-O-Y-E-R, qui est un monsieur, bon, qui est un boomer, hein, qui est un monsieur de 70 ans. Bon, lui et sa femme ont fait le vaccin. Sa femme, après la deuxième injection, deux semaines plus tard, a développé des prions. Et donc, elle montre les signes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et donc elle va décéder très rapidement. Ah bon, c'est rapide. Voilà, j'ai épelé le nom, donc vous pouvez regarder notamment sur Twitter, il y a des extraits, D-O-Y-E-R. Il a même laissé son numéro de téléphone pour voir s'il y a des gens qui auraient des symptômes similaires. Donc lui, il sait que sa femme est condamnée, mais il aimerait bien que ça se sache et que il y a des gens dans des cas similaires que ça se sache également. Il dit que son propre médecin traitant a également une autre personne qui présente des signes similaires. Donc et c'est ce qu'avait dit notamment le professeur Montagnier, hein, dans une des vidéos alertant sur les dangers de cette injection. Il avait évoqué cette question de Creutzfeldt-Jakob, la question des prions. Donc, il y a des choses qui sont terribles. Hein, quand on voit, il y a une certaine aussi Andrea Lombard, donc Lombard comme la région de Lombardie, qui est décédée à 21 ans. Elle était gendarme. Elle est décédée d'un AVC. Donc, c'est une profession dans laquelle il faut maintenant que le vaccin soit obligatoire. Donc, évidemment, on va me dire oui, mais vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de preuves. Bon, il semblait que c'était une jeune femme qui était en bonne santé. Bon, je connais pas, j'ai pas son dossier, hein, j'ai pas le droit de l'avoir de toute façon, mais il y a pas mal de gens jeunes qui décèdent ou qui ont des soucis, et ça, il y a un collégien à Pau également décédé cette semaine lors d'une séance de sport. C'est que les collégiens sont maintenant majoritairement vaccinés. Donc, après, on va te dire, bah oui, mais il y a toujours des AVC, il y a toujours des malaises, il y a toujours des trucs, les gens sont pas immortels. Donc, comment vous pouvez démontrer? Et c'est vrai, mais c'est ce que disait, comment dirais-je, comment s'appelle ce professeur là du sud de la France là qui a eu pas mal de responsabilités avant de se faire mettre au banc. Perronne, il disait bien, il disait voilà que il y avait un effort systématique de la part des autorités sanitaires pour ne pas faire d'autopsie, etc., pour de la part des médecins généralistes qui reçoivent évidemment des consignes très claires pour dire non mais il y a pas, quand les familles éventuellement se plaignent, non mais il y a pas de lien, etc., il suffit de classer ça en mort naturelle, etc. D'ailleurs, je dis pas que c'est endémique, hein, je suis pas en train de dire oh là, tout le monde est en train de mourir du vaccin. Enfin, c'est en tout cas dans les médias. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui meurent du vaccin. Au Royaume-Uni, ils en ont recensé déjà un certain cas qui sont avérés. Les autorités, hein, je parle. Et donc, ils ont une discussion d'ailleurs qui est beaucoup plus assumée là-dessus. En France, il y avait Olivier Véran le 15 octobre qui disait qu'il y a personne n'était jamais mort du vaccin en France. Quoi, je veux dire, donc, c'est du mensonge à l'état pur. Hein, je veux dire. Et puis à haut niveau, parce qu'il était à l'Assemblée nationale, il était filmé. Et je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, ils sont. Ce que dit Véran est dégueulasse et criminel, je suis tout à fait d'accord. Oui, parce que je veux dire, la position d'honnêteté, c'est de dire oui, statistiquement, il y a des gens qui meurent du vaccin, mais c'est résiduel et ça arrive pour tous les plans de vaccination. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça serait déjà beaucoup plus tenable. Mais là, ces gens sont tellement. Enfin, ils manipulent tellement l'opinion. Qu'ils n'ont même pas cette intelligence élémentaire, eux, c'est carrément non, mais il se passe rien de toute façon. Voilà, puis de toute façon, si vous toussez, de toute façon, vous êtes un complotiste. Alors, voilà. Alors je vous dis, la fenêtre de discussion n'existe pas. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Donc, on est dans un rapport de pouvoir pur, parce qu'ils sentent aussi. Bon, ils ont vacciné 50 millions de types, là. Bon, voilà, ils ont zombifié ces mecs-là. Dans une certaine mesure, ils en sont très, très heureux. Ils ont, voilà, on a quand même réussi, par la terreur, la contrainte, la timidation, le bâton et la carotte, on a quand même réussi à traîner 50 millions de couillons vers la vaccination, bah, ils ont quand même remarqué qu'il y a une résistance qui est quand même significative. Alors, avec les enfants, etc., je ne sais pas combien de millions il y a d'adultes qui résistent à la vaccination, mais même si c'est 7-8 millions, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres précis en tête, enfin, c'est quand même significatif, si vous voulez, pour un pouvoir établi, 7 à 8 millions de personnes, c'est quand même pas rien. Ça fait un groupe religieux du type, ça fait un peu moins que les musulmans, mais enfin, c'est quand même considérable. C'est pas une population que vous pouvez mépriser comme vous pourriez mépriser une population de 500 000 personnes. Quoi. Voilà. Donc, à la fois, ils ont le sentiment d'avoir atteint leurs objectifs, et en même temps, ils ont quand même un arrière-goût très désagréable en bouche qui leur fait dire que c'est quand même difficile de faire taire l'opposition, voilà, même si elle est minoritaire. Même si elle est minoritaire, c'est quand même difficile, voilà. Donc, mais bon, ils ont quand même vacciné 50 millions de golems. Oui, de golems, hein, voilà, ils les ont golemisés totalement. Hein. Voilà. Ouais. Après, aussi, je pense que l'idée de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet, c'est une manière de temporiser pour petit à petit rendre la vaccination totalement obligatoire. Comme en Italie, où si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes interdit de travailler. Ou encore à Landers en Allemagne, où sans pass sanitaire, vous ne pouvez plus accéder au supermarché. Je ne sais plus quel Landers c'est précisément, mais en gros, si vous n'êtes pas vacciné, vous crevez. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension dans l'idée de prolonger jusqu'en juillet 2022, et ne vous inquiétez pas, ce sera prolongé jusqu'en juillet 2022 et je pense peut-être encore plus longtemps. Oui, totalement, bien sûr. Alors, fais le lien avec ça, une autre ministre de Macron, tiens, encore une femme juive, Emmanuel Wargon, hein. À chaque fois que je prononce son nom, je pense à Wagon, pas pourquoi. Alors voici ce qu'elle déclare, ça fait le lien avec le Great Reset, hein, parce que voilà, derrière la vaccination, qui est une excuse, un écran de fumée, pour justifier la reprise en main brutale des populations, il y a un vrai projet de changement de société, en fait, hein. Au plan social, économique, urbain, voilà, enfin, il faut complètement restructurer la société. Donc ce qui ressemblerait beaucoup en fait à une forme de néo-féodalisme oligarchique aux mains, hein, d'une population très, très identifiée, bien sûr. Et du coup, maintenant que les golems sont piqués, eh ben on peut passer à la phase active, hein, travaux pratiques. Et alors, Emmanuel Vargon parle urbanisme, justement. Alors, c'est pas long, la tribune nous parle de ça. L'idéal de vie des Français demeure la maison individuelle pour 75% d'entre eux. Ce n'est pas un énième sondage ou étude d'un réseau d'agences immobilières ou encore une nouvelle note de conjoncture immobilière d'une chambre notariale régionale qui l'écrit, mais la ministre du Logement elle-même qui le dit. Dans son discours de clôture de la concertation portant sur... Habiter la ville de demain, prononcé ce 14 octobre, Emmanuel Vargon explique que cette quête répond à une recherche de confort, donc ce besoin d'un domicile individuel, hein, une maison individuelle, donc répond à une recherche de confort, d'espace extérieur à soi, de faire du logement son cocon, peut-être accentué par la période de confinement. Cela traduit aussi que l'aspiration à la propriété reste grande et implique de faire des choix sur la nature et la localisation de son logement, ajoute-t-elle. Bon, là, jusque-là, elle enfonce des portes ouvertes, et c'est là que ça devient intéressant. Et en même temps, dit-elle, ce modèle de pavillon avec jardin n'est plus soutenable et mène à une impasse, estime la ministre du Logement. Il s'agit d'un fonctionnement urbain dépendant de plus en plus de la voiture individuelle d'un modèle derrière nous et même d'un non-sens écologique, économique et social, poursuit-elle. Et là, ensuite, elle continue à développer sur donc, le logement du futur. Alors, la maison individuelle, c'est le passé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle dépend notamment de la voiture individuelle. Ah oui, et comme vous le savez, un réchauffement climatique, blabla, etc. Alors, comme on veut tous joyeusement basculer dans un système soviétique sous prétexte éco-responsable, dans lesquels, en fait, on sera tous parqués dans des clapiers possédés par des oligarques juifs, eh bien, il faut bien un petit peu, expliquer à tout ce beau monde qu'on va devoir renoncer au mode de vie qui prévalait jusqu'alors. Alors, pour lutter contre le réchauffement climatique généré par la voiture privée, eh bien, il va falloir aussi, en se débarrassant de la voiture privée, se débarrasser de la maison privée. Eh oui, fatalement, hein. Voilà, on sera tous dans les transports collectifs, en plus d'être dans les logements collectifs. Alors ça, c'est déjà proposé en Espagne, puisque c'est l'objectif gouvernemental, d'ici 2050, suppression totale du logement individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maisons privées individuelles en Espagne d'ici 2050, c'est dans 30 ans. Hein. Ça paraît long, mais ce n'est pas si long que ça. Alors c'est un objectif, on ne sait pas si ça sera réalisé, mais en tout cas c'est un objectif. Donc là, on est vraiment dans la phase chaude du Grèce Reset, et si vous combinez ça avec la vaccination, le passeport sanitaire, l'euro digital qui se précise avec la juive Lagarde là, qui va mettre ça en place. Alors oui, Christine Lagarde est bien d'origine juive, je vous invite à vérifier. Elle l'a dit elle-même, c'est sur le site du Fonds monétaire international. Plus l'identité numérique européenne qui se prépare, dans laquelle en fait vous aurez toutes vos pièces officielles, passeport, permis de conduire, enfin, absolument tout, moyen de paiement, donc avec l'euro digital, eh bien vous allez arriver dans une société où votre liberté, je ne vois pas ce qui va en rester. Mais de toute façon, les gens n'ont pas l'air d'être très intéressés par le concept de liberté, de toute façon. Mais enfin bon, voilà vers quoi on va. Et là, voilà, Vargon met carte sur table, hein, dit, voilà, clairement, il faut aller vers le communisme, hein, grosso modo, quoi. Voilà. Alors, Wittmann voulait revenir là-dessus, ou sujet connexe. Ouais. C'est-à-dire que là, on est dans tout ce qui touche à la vie d'après, hein. Vous l'avez compris, il n'y a plus de la vie d'avant, elle ne reviendra jamais. Maintenant, c'est de la vie d'après, c'est-à-dire la vie d'après vaccination, donc tous les projets du Great Reset. Donc, comme tu l'as dit, suppression de la propriété, de la maison, de son moyen de transport. Ça a aussi passé sur, donc, comme tu l'as dit, l'identité numérique européenne qui va être liée avec les réseaux sociaux, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les goy diffuse des informations complotistes sur Facebook, hein. Et également, oui, la disparition de la viande, par exemple, parce que quand on mange de la viande, comme tu l'as dit, c'est une théorie, on fait monter la température ambiante. Et donc, c'est l'entrée dans le communisme, quoi. Et dans un communisme total, et les cons de Goy n'y voient rien. Alors, tu voulais parler aussi des pénuries, ça c'est le grand domaine, parce qu'en fait, moi j'ai dit, hein, j'ai expliqué en fait que le fameux Great Reset, en fait, c'était la grande réinitialisation combinant en fait, effectivement, la vie d'après la pandémie, en fait, la pandémie elle dure toujours, la vaccination dure toujours, vous avez bien compris, se combine avec l'histoire du réchauffement climatique. Bon, là, c'est une autre escroquerie intellectuelle vendue par ces bonimenteurs pour faire passer tout ce qu'ils veulent faire passer, à savoir le communisme, hein, en gros. Le communisme, en fait, c'est-à-dire la réduction drastique du niveau de vie par le rationnement, est la conséquence de l'endettement exponentiel des États occidentaux. Et là-dessus, qui c'est qui se trouve sur ce volcan de dette? Bah, vous avez la finance internationale qui a prêté aux États. Vous avez les États eux-mêmes, qui ont promis monts et merveilles à tout le monde, notamment aux boomers, avec des retraites mirobolantes, etc. Sauf qu'ils n'ont pas le premier sou pour les financer, à terme, et ils en sont parfaitement conscients. Ensuite, des intérêts privés, les assurances, etc. Et tous ces gens-là ont évidemment peur que la bombe de la dette explose. Alors, comment faire? Eh bien, il faut s'assurer que cette baisse du niveau de vie que suppose l'explosion de la dette, parce que s'il n'y a plus d'endettement perpétuel, le niveau de vie s'écroule tout de suite. Hein. Bon. Alors comment on fait pour garder le pouvoir tout en accompagnant cette baisse radicale du niveau de vie? Eh bien c'est simple, il faut mettre tous les goïms dans un grand goulag collectif. Hein. Mais pour les convaincre, pour convaincre le troupeau de bovidés de suivre, ben, il faut lui faire peur. Il faut lui faire peur, il faut procéder par la terreur sanitaire, demain peut-être la terreur des cyberattaques, la terreur climatique, voilà, bien sûr, et on va lui dire, voilà, votre niveau de vie baisse, mais c'est bien normal, voilà, on n'a pas le choix de toute façon, hein, bref. Et pour le contrôle, bon, bah, le sanitaire a permis de contrôler, voilà, hein, c'est du terrorisme d'État, ni plus ni moins, du bioterrorisme d'État en l'occurrence. Maintenant, la baisse du niveau de vie, bah, ça va être le réchauffement climatique. On va dire, ah oui, mais les pénuries, comprenez, c'est difficile, voilà, c'est dur pour tout le monde, on ne peut pas tellement faire autrement. Et puis vous voyez le niveau de vie qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, vous voyez. Et le troupeau ne peut rien dire, parce qu'il a tout validé dès le départ, voilà. Et on y va, on y va, on y va. Et aussi, l'identité numérique servira au rationnement durant ces pénuries. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Bah, comme ils intègrent les moyens de paiement, c'est ça qui est fatal. Hein. C'est-à-dire, vous avez, donc, l'identité numérique européenne, c'est quoi? Vous avez, ce sera probablement une application dans votre smartphone, en fait. Hein. Donc, vous aurez ça dans votre smartphone, vous aurez toutes vos pièces d'identité nécessaires, toute votre documentation importante, d'accord, et vos moyens de paiement. Alors, si le gouvernement ne veut plus que vous achetiez de la viande, au bout d'un moment, en fait, il ne va pas vous demander votre avis, il ne va pas chercher à vous convaincre. Il va vous empêcher d'acheter de la viande avec votre téléphone portable, qui sera devenu votre seul moyen de paiement. Vous n'aurez plus d'argent liquide, ça aurait été supprimé. Donc, vous n'aurez pas d'accès au supermarché à une quantité de viande supérieure à... Alors au début, ça sera rationné. Hein. Ils vous diront, oui, mais vous comprenez, il n'y a pas le choix. L'urgence climatique, c'est trop grave. On ne peut plus se permettre. Là, on va plonger les gens dans la terreur climatique permanente, je vous assure. Hein. Ça sera beaucoup plus brutal que ce qu'on voit aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est encore les trucs à... C'est encore les trucs à comment dirais-je, à... comment il s'appelle ce gogol, là, qui fait des photos depuis le ciel, là. J'ai oublié le nom, là, c'était illuminé, là. Nicolas Hulot. Oui, il y a Hulot. L'artiste Bertrand. Ouais, Bertrand, voilà. Ça, c'est encore la version gentille, c'est-à-dire qu'on fait des belles photos des oiseaux, des paysages. Alors, les gens, ils aiment bien ça. Ils disent, ah, c'est beau, etc. Puis, ils disent, voilà, attention, le réchauffement climatique, la menace. Alors, les gens sont là, oui, effectivement, c'est vrai, etc. Là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus brutal. Ça va être beaucoup plus violent. On va vous dire, attention, là, il y a une pénurie de courant et on n'arrive plus à rien. Ah bon? Oui, non, on va... On n'a pas assez de gaz, on n'a pas assez de trucs, et puis là, ils réduisent, vous voyez, c'est comment dire, comment on va faire? Ah bah là, il faut complètement changer de fonctionnement. Et les gens vont avaler ça, hein, ils vont avaler, hein, je vous assure. Hein. Donc, mais c'est la suite, je veux dire, c'était annoncé par Davos, l'élément déclencheur, c'était la terreur sanitaire, le nouveau mode de fonctionnement, c'est le rationnement sous prétexte climatique, et le but final, c'est tout le monde dans un système soviétisé sous contrôle total des juifs. Et j'ajoute que un des éléments importants de ce dispositif, c'est l'abolition de l'anonymat sur Internet. Alors ça va arriver, ça. Ça va arriver. C'est-à-dire qu'ils vont, pareil, ils vont dire le terrorisme, la haine, ouais, ils vont dire, voilà, vous aurez, bah, grâce à toute l'identité numérique européenne aussi, hein, tu parlais des réseaux sociaux, c'est évidemment lié, donc moyen de paiement, réseaux sociaux, ils vont dire, écoutez, c'est trop dangereux, il faut une identité unique, donc vous ne pourrez pas vous connecter si, quand vous n'aurez pas votre code. Vous ne pourrez pas. Ça ne marchera pas, quoi. Vous n'aurez pas accès à l'Internet. Vous voyez, c'est... En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, c'est autre chose. Mais c'est ce qu'ils veulent faire, c'est que vous n'ayez pas de FAI. Vous voyez ? Alors, il y a un réseau alternatif, c'est le réseau Tor. Hein. Ça, c'est un truc qui ne doit pas tellement... Il le surveille, mais il n'aime pas trop, quand même. Hein. Idéalement, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de failles dans le système. Ça suppose de complètement changer l'infrastructure de l'Internet. Mais... compte tenu de la brutalité avec laquelle ils ont piqué les gens, moi, je n'ai pas de raison de croire qu'ils ne le feront pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Wittmann. Ouais, bah, c'est ça. Quand vous voyez comment les gens sont soumis à un passeport intérieur, bah, un passeport numérique, pour tout, ils se soumettront aussi, quoi. A priori, oui. Hein. Et alors, bien sûr... Les gens, ils sont surtout inféodés à leur confort, quoi. Bien sûr. Ils se sont fait piquer parce qu'ils voulaient retrouver la vie d'avant. Ouais. Si on enlève la vie d'avant les pénuries, bah, ils se soumettront pour que les pénuries n'arrivent plus. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Je pense qu'on ne peut pas ne pas faire le lien et anticiper. Et c'est aussi pourquoi One Nation, je ne connais pas ce mouvement, c'est un mouvement américain, alors présenté comme sectaire, mais en fait, sectaire, genre... Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire sectaire. Alors, quand ça commence, où ça se termine, parce qu'officiellement, par exemple, la maçonnerie, c'est pas une secte. Bon, c'est relatif. Hein. Officiellement, le judaïsme, c'est pas une secte non plus. Bon, moi, je trouve que ça correspond quand même très fortement à la définition d'une secte. Le Bnei Brit, par exemple, la franc-maçonnerie juive, suprématie, c'est pas une secte. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est une secte. One Nation, officiellement, apparemment, c'est une secte, apparemment. Mais c'est des gens qui demandent des fonds sur public par crowdfunding. Donc, ils demandent aux gens de les financer. Et publiquement, je veux dire. Donc, pour le coup, on voit d'où l'argent vient, par définition, je veux dire. Contrairement à toutes les autres organisations occultes. Bon. Et là, on leur fait sauter leur système de financement. Et c'était quoi leur but ? C'était de vivre en dehors de la tyrannie sanitaire. Alors, ça faisait... Le pitch de leur projet, c'était un peu un truc de hippie, quoi. Voilà, c'était quand même pas le... C'était pas des fascistes en puissance, quoi. Hein. C'était vraiment, voilà, on veut vivre en harmonie, en osmose avec la nature. Il y avait un côté un peu New Age, quoi, mais je veux dire, il n'y a rien. Enfin, ça, franchement, ça... Pour ceux qui sont habitués aux trucs de yoga ou aux sectes... aux sectes constituées ou aux groupes plus ou moins... vous savez, des trucs un peu genre le Reiki ou ces trucs-là, enfin, je veux dire, c'est totalement banal. Enfin, je veux dire, vous savez, tous ces groupes-là, ils ont un discours New Age, enfin, voilà. Et je vois pas ce qu'il y a de spécial, si ce n'est que ils ne veulent pas vivre, s'inscrire dans ce paradigme covidiste de contrôle. Et là, le système s'inquiète. Et là, baf, ils se prennent un reportage sur les grands médias en mode attention, danger. Et là, tu dis, il y a un truc, quoi. C'est pas possible. Quoi. C'est en mode LCI, club anti-complot. J'ai dit, attention, le complot crudivore. Non, mais moi, j'en reviens toujours pas de ce truc, le complot crudivore. Quoi. Tu bouffes des crudités, tu menaces le régime. Je veux dire. C'est fou, quoi. C'est fou, mais c'est moins fou que ça en a l'air quand on creuse un peu. En fait. Alors ils ont pas. Alors en Italie, ouais, en Italie, comme tu l'as bien dit, c'est t'es pas vacciné, t'as plus de boulot. Là, c'est pas que pour les soignants. En Italie, c'est pour tout le monde. Hein. Pas de vaccination, pas de boulot. Qui est aux commandes en Italie ? Bah, c'est Draghi, l'ancien boss de la BCE, avant que Christine Lagarde ne lui succède. Donc et il vient de chez Goldman Sachs. Hein. Donc Goldman Sachs, Banque Centrale Européenne. Chef du gouvernement italien, vaccination obligatoire à coup de Pfizer, sinon licenciement, chômage. Bah, ceux qui ne voient pas le nouvel ordre mondial en action, moi, je sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Alors, je sais d'autant qu'en Autriche, excuse-moi de te couper, d'autant qu'en Autriche, on en avait parlé une fois, mais les chômeurs qui ne seront pas vaccinés, eh bien, perdront leurs droits. Ouais, j'ai vu qu'aux États-Unis, alors là, c'est des hôpitaux qui se mettent à lancer ça de leur propre initiative, parce que la structure légale américaine est différente, hein, les États ont plus de liberté, mais il y a des hôpitaux qui disent, voilà, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de grève d'organes. Donc, enfin, c'est une mise à mort. Parlons français, quoi. Alors, dans le contexte là-bas, parlons anglais, mais c'est ça, quoi. Si, enfin, je veux dire, pourquoi? C'est un choix, normalement, la vaccination, d'accord? Bah, là, non, c'est obligatoire, et si ça te plaît pas, bah, on va te laisser crever. Vous avez vu jusqu'où ils sont prêts à aller pour faire peur à la population. Donc, il y a des gens qui se sont fait vacciner en masse, c'est vrai. Enfin, attention, c'est parrayé par l'opération du Saint-Esprit, hein. On a quand même intimidé les gens, je veux dire, on leur a quand même fait peur, on a recouru à toutes les méthodes les plus inavouables pour les forcer à accepter de se faire piquer, quoi. Alors, et ceux qui ne voient pas qu'il y a un projet derrière ça, bah, je sais pas ce qu'ils. Ah bon, faut quand même un petit peu avoir de lucidité, quoi. Voilà. Alors en France, ils n'ont pas recouru à ça parce qu'il y avait de la résistance et visiblement les chiffres de vaccination leur paraissaient relativement acceptables compte tenu de leur échéancier. Mais on va y venir. De toute façon, Macron l'a dit lui-même, hein, dans son allocution en juillet dernier. Hein, il avait dit, voilà, il faudra envisager la vaccination obligatoire. Hein, il l'avait dit. La troisième dose qui va arriver, elle est déjà, c'est ce qu'a dit Borne. Hein, elle est déjà conditionnée par la suspension j'allais dire des privilèges, oui, des privilèges du passeport intérieur. Hein. Le Sénat a voté cette semaine au sujet de l'obligation vaccinale, mais a voté non. 2 tiers des sénateurs ont voté contre l'obligation vaccinale, ce qui était plutôt intéressant, mais c'est effectivement plus que jamais d'actualité, puisque on pourrait refaire voter une fois, une troisième fois, etc., jusqu'à ce que ça passe, pourquoi pas. Hein. Bah c'est ce que font les socialistes, visiblement. Les socialistes qui pèsent quoi dans l'électorat aujourd'hui? Je veux dire, c'est quand même phénoménal le pouvoir qu'ont ces petits groupes sur le système, quoi. Je veux dire, là, c'est les copains qui se font plaisir, quoi. Voilà. Et puis en plus, cette insistance à vouloir faire passer ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ces gens-là ont été achetés par Pfizer. Moi, j'ai la réponse, hein. C'est-à-dire que le Parti socialiste, spécifiquement, et leurs élus, c'est-à-dire sénateurs et députés, ont clairement reçu de l'argent en grande quantité de Pfizer. Ça, je peux vous le dire. J'ai même pas besoin d'avoir des preuves. C'est garanti. Ces mecs-là ont des comptes, tous ces sénateurs socialistes ont des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Je sais pas où c'est, si c'est aux îles Caïmans, à Singapour ou ailleurs, aucune idée. Je peux vous dire qu'ils sont crédités par Pfizer et tous ces phonés, Pfizer, Moderna et les autres. Et on leur demande de faire du lobbying très agressivement pour forcer la vaccination perpétuelle, évidemment. Voilà. Ça passe pas parce que, pour des raisons d'opportunité politique, Macron estime que ça n'est pas encore bienvenu. Hein, donc, de son point de vue à lui, il faut temporiser. Voilà. Mais il partage l'objectif, hein, comprenez bien. Hein, simplement, de son point de vue, voilà, il y a trop de résistance encore dans l'opinion. Faut être un peu patient, mais le lobbying a lieu, et justement, le rôle de ces socialistes-là, c'est de rappeler à Macron qu'il y a un rapport de force et qu'il y a un échéancier, d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'ils essayent de faire passer ça au Sénat de cette façon-là, hein, ni plus, ni moins. Voilà. Et quand le feu vert viendra de l'Élysée, vous verrez les mêmes sénateurs qui auront voté contre, voter pour comme un seul homme. C'est pas une question de conviction, c'est une question de cash. Qui se déverse ou pas sur les bons comptes bancaires. Pas être Le lien naïf. entre Pfizer et petite chose, excuse-moi, le lien entre Pfizer et le Parti socialiste est déjà avéré depuis longtemps, depuis plusieurs années, puisque Jérôme Cahuzac, vous savez, celui qui était sous François Hollande chargé de lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même possédait des comptes à l'étranger, eh bien, a été médecin de formation et il avait des conflits d'intérêts avec Pfizer. On savait que Pfizer lui avait versé de l'argent et ça avait été reconnu dans des médias officiels pour financer des campagnes. Bien sûr, lui et les autres, hein, lui et les autres. Hein. Vous vous rendez pas compte. Bah d'ailleurs, il y a un scandale qui vient de frapper. Un peu là, c'est un peu différent, mais c'est du même ordre. Vous savez que Sébastien Kurz, comment de la droite, Chancelier autrichien qui vient de démissionner. il vient de démissionner parce qu'il a, comment, il y a toute une histoire de manipulation, me semble-t-il, de sondage, je crois. Enfin, il vient de tomber, mais tous ces types sont archi pourris jusqu'à la moelle. C'est le fonctionnement des démocraties. Et Pfizer et tous ces grands laboratoires et Davos, etc., ils ont un agenda. Et si ça suppose de verser des millions et des millions et des millions de toute façon, ils impriment. C'est ça qu'il faut comprendre. ils contrôlent les banques centrales. L'argent qu'ils impriment, entre guillemets, n'existe pas. Au plus aimant, c'est une promesse de remboursement. Ce n'est pas eux qui vont les rembourser. C'est les esclaves en bas de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, c'est les prolos qui vont rembourser. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'imprimer des heures de travail? Puisque l'argent, c'est des heures de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Donc, ils impriment des heures de travail futures, des goïms qui réduisent en esclavage, toujours plus d'ailleurs grâce à cette tyrannie sanitaire. Et avec cet argent qu'ils impriment à la sueur du front des esclaves, ils achètent tous les politiciens, tous les démocrates qu'il faut acheter. Ça pose aucun problème. Et après, tu as des naïfs qui pensent que les élections vont résoudre quoi que ce soit. Je veux dire, c'est quand même fort café, quoi. Je veux dire, la naïveté confondante des goïms, quoi. La naïveté confondante des goïms. Les autres en haut, ils le savent, tout ça. Ils le savent, tout ça. Ils savent exactement comment ça marche. Oui, les bornes de information que je viens de voir passer, les bornes de contrôle de passe sanitaire coûtent 20 000 euros l'unité. Donc, vous pensez qu'ils vont mettre 20 000 euros pour quelque chose qui durerait seulement quelques semaines ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les logiciels informatiques qui sont censés contrôler le passe sanitaire, apparemment, il y a 8 slots, comment dire en anglais, 8 espaces, donc qui correspondent à chaque vaccination. Donc, ça veut dire qu'ils envisagent déjà 8 vaccins. Ouais, tout à fait. Là, d'ailleurs, Vas-y, fais bien. Oui, je voulais justement vous dire que je crois que j'ai sous les yeux un miniscoop. Il y a une photographie qui reprend les titres de journaux britanniques. Et je vous lis les titres d'après The Week, donc la semaine. Pourquoi une super grippe se répand-elle ? Le Sun. Tout ce que j'avais besoin de savoir à propos de la super grippe du Royaume-Uni et comment la traiter. Y a-t-il, The National, là c'est important, écoutez, y a-t-il une super grippe dans le Royaume-Uni ? Les experts de la santé pointent, mettent accent sur les systèmes immunitaires affaiblis. Le Sun, les quatre signes de votre super grippe qui peuvent se transformer en pneumonie mortelle. Orange Observer, je passe parce qu'il y a un mot que je ne sais pas traduire. Mais enfin voilà, il y a plusieurs articles de différents journaux du Royaume-Uni qui parlent de l'apparition d'une super grippe. Ces titres viennent de paraître dans les 3 jours qui viennent de se passer. Donc c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'ai vite regardé dans la presse belge, je ne vois pas de traces. Je suppose que c'est le même cas dans la presse française. Mais manifestement, il y a une super grippe qui touche des tas de gens au Royaume-Uni et, comme je l'ai lu, des experts de la santé mettent en cause les systèmes immunitaires affaiblis. De là, se poser la question, pourquoi les Britanniques ont-ils des systèmes immunitaires affaiblis ? 3 points de suspension. Par la vaccination, évidemment. Évidemment. Donc, amis vaccinés, protégez-vous, hein. Je pense qu'on aura un hiver meurtrier. Je ne sais pas dans quelle proportion ce sera meurtrier, mais je pense qu'il y aura des surmortalités cet hiver. En fait, ça confirme ce qu'ont dit certains médecins, qu'il y aurait un déclenchement d'une aggravation de la situation à l'automne, rappelez-vous, ça remonte avec quelques mois, à l'automne, voire à l'hiver prochain. Oui, bah Delfrécy a annoncé un variant très dangereux, etc. Enfin, c'est ce qu'a dit le docteur aussi Vernon Coleman, effectivement fumeur. Ouais, de toute façon, tous ceux qui sont critiques de ça, hein, ils avaient bien expliqué tout ça. Bon, on va voir, on n'y est pas, hein, mais on va voir. Et bien, messieurs, on a fait le tour de l'horizon, on peut donc se retrouver la semaine prochaine. Je vous remercie. À la semaine prochaine, donc. À la semaine prochaine.